casque, je me trouve un peu faible. Est-ce qu'on est à fond? On est à fond, hein. On me dit qu'effectivement, on va essayer de faire un effort. On essaye de toucher partout. 8 techniciens à faire maintenant autour de la table de salle pour nous donner un rendu correct, un rendu qualité plus, un rendez-vous aujourd'hui, 5 février 2011, pour ce Sportaz qui fait boing boing, puisque c'est le numéro 707. Je te dormi. Ah non, tu as fini. Oui, mais lâche-moi maintenant, quand même. Ça va commencer, chérie, quand même. Oh, celui-ci, il y a un rayon de soleil. Oh, installez-vous, hein. Vous êtes c'est une horaire un petit peu inhabituelle, c'est vrai, 18h pour un match de rugby, Jacques. Qu'est-ce qui se passe sur le service public? On prend en compte le sport national, on le met à des horaires tout à fait intéressants, tout à fait intelligents. Nous en reparlerons dans quelques instants. Je crois que t'as tout le contraire à dire, en fait. Prépare, c'est ça aussi l'avantage de Radio Sportal, c'est que on peut vous présenter les préparatifs, l'installation, l'arrivée des artistes sur le plateau. C'est un petit peu ça, la magie Radio Sportaz. 707, le numéro de Sportaz aujourd'hui. Boing, boing, boing. Samedi 5 février. Si je compte bien 707, ça fait 0. Parce que si vous enlevez les 7, vous dites 100, c'est qu'il n'y en a pas. Donc c'est 0. Sporta, 0. Merci, Jacques Lambourg. Bien, tout va bien. Ouais. C'est le premier match du tournoi des 6 nations. 6 nations. Ouais. Vous le savez désormais, l'Italie ayant rejoint la confrérie des bourre-pifs. Des amateurs. Et donc, aujourd'hui, c'est France-Écosse. On m'a dit que nous sommes 6. Vous seriez 6 connectés pour ce qui n'a pas vraiment commencé. Hein. Vous êtes 6 pour les préparatifs. Combien serez-vous au moment du coup d'envoi? N'oubliez pas le service Time Shift qui vous est proposé régulièrement par Radio Sportaz. Début des opérations à 18h pétante. Que je salue. En face de ces victimes. Ici au mois de novembre. Asseyez-vous. Mais cette musique, madame. Bien, en attendant que l'émission démarre, l'émission proprement dit, c'est-à-dire le commentaire improvisé Sportaz, un petit peu de musique savoise. Avec la composition, bien évidemment, des équipes Imtélé disparaît, on va la rallumer. Attention, Jacques, surveille ton écran, il est bleu. Avec du côté de l'équipe de France, les revenants comme Ipagnol. Le site de location de véhicules en ligne, Ipagnol. Ipagnol, ah bon. J'aurais pensé à Ipagnol, mais on n'est pas sur Marius FM. Aujourd'hui, sans steak haché et chamballe qu'ils ont relégué donc sur le banc. Ah oui, sur le banc. Sur le banc. Il faut qu'il gagne un peu en maturité. En attendant qu'il soit grillé un jour. Bien évidemment. Merci Jacques. Ensuite, en ce qui concerne donc les lignes arrière. Attention, là c'est spécial. Ouais, ouais. On est dans l'équipe là. Oui, oui, on est dans l'équipe. Dans quoi vous croyez là, qu'on est là? L'équipe CV. C'est la con avec. Avec Alain Boucher, hein, qui a quand même effectivement 5 années d'expérience dans notamment le froid, la découpe de la viande, et qui peut... Attention à cette rigueur arbitrale, Jacques. Vous avez des infos? Ah oui, on a effectivement, Jacques, des informations sur ce trio arbitral. Vu les événements qui bouleversent en ce moment une partie de la planète. C'est le moment gustation sur Radio Sportaz, tout de suite. Évitons, tu as raison d'en faire beaucoup trop avant le match. Affirmatif. Jean-Louis, tu signes le contrat avant le match. Et surtout, tu prends les sous. Sportaz 707 dans quelques instants. Samedi 5 février, direct live. 2011. Déjà 64 Ah, vous êtes connectés. Pour profiter des commentaires de Radio Sportas, est-ce que les Écossais sortent du vestiaire désormais? Vestiaire, le chauffage est coupé, bien évidemment, où l'eau chaude n'existe pas. L'hospitalité sportive française a encore bien travaillé. Et ils l'ont pénétré sur la pelouse Stade de France. Ouverture du tournoi des 6 nations. Dans quelques... Non, non, non, madame, non! Je te domine. Oui, Rode. Oui, Rode. C'est juste ça, quand même. Oui, les joueurs arrivent, oh là, ils sont jamais arrivés en musique comme ça, les joueurs. Jamais. Ils arrivent à rester stoïques alors que moi j'ai tout le bassin qui bouge là, j'ai les jambes qui campent et je suis obligé de garder la tête au micro. C'est vous dire dans quelle situation je me trouve. Il l'a sans doute laissé pour ça, hein. Il se dit que un joueur comme lui, à tout moment, peut faire la diff. La diffusion, bien évidemment. Sportas in live. Bientôt. En direct. Sur cette antenne. Je tout suis le monde. Impatient de l'entendre. Mais oui, monsieur, tout le monde est impatient d'entendre Sportas en direct. Bien évidemment, sur le site de Sportas. Et là, c'est le moment particulier d'une retransmission sportive. Le cadrage. À toi, Jean-Louis. Sans le débordement, hein. Un très bon travail de Jean-Louis, cadrage sur les visages. Cadrage sur les visages. Oh, excusez-moi, ça m'inspire une chanson. Je reviens tout de suite. C'est une chanson de visage, peut-être. To fade. To grey. Merci Jacques pour cette petite référence. Dis donc, aujourd'hui, curieusement, t'as une couleur de télé beaucoup plus dégueulasse que la mienne. Eh oui, ça tourne. La qualité, ça tourne. Un peu comme l'argent, mais pas assez, pas autant. Ouais. Ça tourne l'argent, mais ça tourne en ridicule. Dire que la qualité, hein. Oui, la qualité tourne pas beaucoup non plus, finalement. Ouais. Hein. La qualité, c'est quoi, d'ailleurs? Si c'est respirer, manger, dormir, se reproduire. Non, ça, c'est l'animal. Voilà, l'animal, c'est la qualité. Oh, et oui, attention. Alors qu'ils attendent le AK. Alors prévenez quand même les joueurs français que les Écossais ne font pas le AK. Oui. Hein, c'est pas tout à fait dans les traditions. Ils font le Waka Waka peut-être, mais je ne sais pas encore. Je vais me renseigner. Vive la Colombie. Entraîneur écossais, John Peter Stanstown, qui a quand même été, Jacques, il faut le dire, éleveur. Éleveur de champions. Alors Jim, je tiens à m'adresser à Jim particulièrement. Il est le seul à nous envoyer des messages sur le site. Je suppose que les autres n'ont pas compris comment ça fonctionnait. Alors Jim, si jamais il y a un problème au niveau son, tu n'hésites pas à envoyer le message. Nous sommes en lecture directe et nous serons comme ça si oui ou non. Ça va pour aujourd'hui, merci à toi. Et oui, parce que parfois c'est dur et ça ture. Ah oui, je vous rappelle que nous émettons depuis un micro, ce qui est quand même absolument extraordinaire. Il y a l'hymne, accessoirement. Oui, mais on l'écoute depuis tout à l'heure, là. Et toi, ah oui, pardon. L'hymne libre. Pour une radio libre on the web, Radio Sportas, France-Écosse, ouverture du tournoi des 6 nations, ouais. Rugby, je te domine. Alors on a Grand Jacques qui vient de nous rejoindre en direct, hein. J'essaie de faire un petit peu tout en même temps. Grand Jacques donc vient de nous rejoindre. Grand Jacques qui fut un grand supporter durant la Coupe du Monde 2010. Salut à toi. Bienvenue Coco. Ah, l'hymne écossais quand. Tiling tiling chai chai à Glasgow. Ah, excusez-moi. Qu'est-ce que vous connaissez de l'Écosse, Jacques? C'est à côté du Pays de Galles. Oui, ensuite. C'est dans le Royaume-Uni. Oui, ouais, ne te mouille pas trop, surtout fais. Vas-y doucement. C'est une île. Alors, je pense que Jacques ne connaît pas grand-chose à l'Écosse parce que quand il donne des petites informations comme ça, très lentement, c'est pour tenir un peu. Hein, tout simplement. Édimbourg et Rattantam. Voilà, vous êtes servi, bâtard. Avec la Marseillaise, qu'on écoute. Hein. Remix. Sûr. Revisité, c'est, là. C'est Jean-Loup, hein, je crois qu'il a remixé. Très bon travail. Jean-Loup. Jean-Loup s'améliore, hein. Jean-Loup touche à tout, on l'appelle en ce moment. Après l'image, il cessait au son. Toujours le meilleur. Et après le son, il cessera au blé, sûrement. C'est... Sportin 707 dans quelques instants. Aux armes, je chien. Chanchon, le michichon. Mesdames, messieurs, je suis heureuse de vous dire que cette semaine, sur la première chaîne, sur la deuxième chaîne, sur la troisième chaîne et sur la quatrième chaîne, eh bien, vous aurez du sport. Radio Sportaz, je me sens plus. Celui qui n'aime pas, il a gagné. Eh bien, nous y sommes. On y est, Jacques, on y est. Ouais. J'ai l'impression qu'on a déjà fini cette émission, qu'on en commence une autre. On est au Stade des Français. Oui, Stade de France qui ne sera peut-être pas... Le son est parfait, me dit-on. Jim nous dit que le son est parfait en direct. Monsieur. Bon match à nous. Inchallah. Bon match à vous Inchallah. Également. Inchallah. Attention, ça va démarrer. Donc, Jacques, attention parce que le public du Stade de France est versatile. Il pourrait très bien se retourner contre sa son. L'arbitre. Oui, merci Jacky. Donc l'arbitre principal, hein, tout de même, information principale, l'arbitre principal. Monsieur renversement, hein, qui sera assisté de monsieur. Dégage. Lui-même assisté de monsieur. Casse-toi, pauvre. Oui, on peut le. Pourquoi c'est la suite? Là, j'ai pas tout à fait compris cette actualité un peu étrange. De France qui tente maintenant un drop. L'équipe de France qui tente un drop depuis le central, c'est extraordinaire. L'équipe de France qui va peut-être marquer maintenant qu'il se met avec le ballon dans la main. Mais non, il y a sa mère. Ah bon, pardon. Qui me prend en photo, c'est pour ça. Oui, c'est ça s'est calmé, oui. Jackie. Donc, je parlais actualité, un petit peu difficile à comprendre l'actualité. J'ai pas très bien compris. C'est à toi, oui. Que notre, le président américain soit aussi mou Barack Obama, je ne sais pas trop. Et la Coupe du Monde au pays Qatar. Quant à l'histoire que je ne sais pas quelle ministre française aurait ouvert un hammam en Tunisie et en Égypte. Les hammams français sont pas toujours de bonne qualité. De bonne qualité. C'est étrange tout de même. Nous y reviendrons. Attention, le time shift dans quelques secondes. Time shift. C'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour. C'est pour chez vous. C'est pour chez vous le time shift. C'est-à-dire là, si le coup d'envoi a été donné, vous bloquez, nous on arrive. On arrive, on est là. Time shift. On va le dire, on va décrire les secondes quand on pourra. Contemporaine. 7 secondes, 8 secondes, 9 secondes, 10 secondes, 11 secondes. Mais ça va une vitesse. Match, non, reviens pas. Et c'est le ballon dans les mains écossaises avec. On n'a pas trop nommé les joueurs écossais, Jacques, je le regrette. Hein. Je le regrette. Ce travail que nous fournissions il y a quelques années, qui était un travail de qualité. C'est bon, nous avons d'autres fonds à faire aussi. Avec une relance française, semble-t-il, c'est la mitraille. À gauche. Comment est-ce que ça se trouille? Oui, ballon perdu. Oui, ballon perdu par les tricolores. Immédiatement, les Écossais se posent en attaque, mais déchirent complètement le pass et ce sera un en avant signalé par monsieur renversement. Sauf que non, il n'intervient pas, il laisse jouer. Il considère que le ballon était en arrière avec Thompson. Top 7 et qui s'est fait maintenant chasser par la défense française. Il s'est dit télé, c'est un ici. C'est un cafard extraordinaire. Ouverture, Macover. Macover, hein. À quelle heure? Et on a vu McReeve. Oui, Jean-Pierre McReeve, Jacques. C'est vrai qu'on peut le signaler, assez discret, pourtant monument du rugby français. Et là, mondial, c'est international, là, je dirais. Qu'est-ce que c'est emblématique. Cette panque écossaise, la RBS, sur la pelouse, hein? C'est peut-être un médicament. Oui, hein. Ceux qui le prennent, visiblement, ne s'en remettent pas facilement. Non, mais l'industrie pharmaceutique est tellement forte, hein, surtout dans le rugby en France, qu'effectivement, elle peut peut-être se permettre de nous refourguer des marques de médicaments qui ne seraient pas autorisées. Oui, placage français, autrement. J'essaye de commenter un petit peu ce qui se passe. Oui, bien sûr. Et ce sont les Écossais qui ont la balle. Vous y teniez, vous aussi. Ouh, une bonne tête française, là. Goûte-moi ça. Ouais, un petit placage sans ballon, sans que l'arbitre, monsieur renversement, n'intervienne. Donc, on va laisser tranquille, on va laisser filer. Bienvenue à ceux qui sont parmi nous aujourd'hui. Nous l'avions annoncé, la presse en a parlé, les journaux nous ont relayé. Donc il n'est pas étonnant que nous nous retrouvions. Mais la porte est restée ferme. ballon écossais, Mac Sedekos qui joue à mort. Qui joue à mort. À mort. Et l'équipe de France réduite à la défense. Même si là, elle récupère avec moult choune ce ballon et se lance dans une magnifique cavalcade qui va bénéficier d'un essai avec le bon rebond et goal. Goal pour l'équipe de Francia. La Francia marque goal. Goal moult choune. Oh, oui, oh. Oh. Et primero, oh. avec un ballon de récupération parfaitement négocié par Popol qui transmet au pied pour René dit l'ange de l'ambute. L'ange de l'ambute qui se saisit du ballon et qui donc pénètre pour marquer les 5 premiers rounds de cette équipe de France. Eh oui, first goal, first try même, on le dit dans l'Angleterre. Sur un bon plaquage, effectivement, et là il perd le ballon immédiatement. Le capitaine français transmet à Boucherie qui s'abatte la balle. Et un magnifique récupération de Champ-Médard. Mais Champ-Médard qui a plaqué tout à la balle. C'est bon, non ? Que c'est goal. Et que tout de suite, hein, André, on met le niveau très haut. Ah oui. C'est ça le rugby aussi, hein. il y a des points très rapidement, hein. Ça permet de... C'est le sport aussi, on fait tout de suite un effet psychologique sur l'adversaire, hein, pour lui dire ce qu'il l'attend. Oui, une bonne défense. Les points marqués par la défense d'Irano, hein. Je vous rappelle que demain soir il y a le Super Bowl, ça peut être très intéressant, même légèrement crypté. Super Bowl. Je pense que Jackie a quelques problèmes avec la prononciation anglaise. Il a pété un blond. Transformation réussie, donc 2 points de plus. Hein, je les mets sur le site. 2 points de plus donc pour l'équipe de France qui nous fait 7-0. C'est pas mal. Stase 707-0. Allez, c'est pris, c'est compris. Dans le prix. Ralenti. Merci Jean-Louis. Ouais. Alors, sur le ralenti, Jean-Louis. 19 degrés. Ralenti, Jean-Louis, merci. Tiens, d'ailleurs, t'as pas quelque chose à nous annoncer ? Oh là là, avec ça, pas pour l'instant. Fausse info. Allez, Mac Rive qui fait un bon match, hein, tout de suite. Oh, il tombe lourdement. Oui. C'est sûr que cette tête blonde, quand elle part comme ça, on la voit beaucoup plus qu'une tête légèrement brune qui se couvrirait avec un peu la pelouse. Vous voyez ce que je veux dire ? Bonsoir, madame, bonsoir, mademoiselle, bonsoir, monsieur. Ah, intervention de monsieur renversement et on va soigner un bus de la SEMVAT. Évidemment il a perdu quelque chose, soit un œil, soit une lunette, soit une lentille, on lui fait boire l'œil. Il boit l'œil, c'est vrai. C'est à noter. Effectivement, ça il boit l'œil et ça va beaucoup mieux. Il s'en sort, bien, on peut le dire. Alors voilà, il est là, SEMVAT, vous voyez, il ne voit pas le véhicule en face de lui. Et effectivement, c'est le carambolage, c'est l'accident. Mais sans dommage corporel que de l'atoll froissé. Atoll ! On va finir tous dans l'atoll, ouais. Jean-Louis, qu'est-ce que c'est, une... Oui, Jean-Louis, d'accord, 5 minutes de jeu, c'est vrai, on l'a pas annoncé, mais ça arrivait juste maintenant. Pour ceux qui sont en léger décalage, nous sommes à 5 minutes, 5, 6, 7, 8. Mais les Françaises, oh là là, terrible, mais les Françaises. Il a bon goût, le nion français. C'est une excellente formule, bravo. Avec un petit coup de pied pour une touche, manifestement, elle est accordée. Ah, bien sûr qu'elle est accordée. Ouh là là, on soigne le sac. Il m'a semblé qu'on soignait le sac. Non, ce joueur a été mis à sac. Effectivement. Que se passe-t-il ? Ouais, là, on voit. Là, il a vu Tiger Woods. Ah oui, effectivement. Qui tentait un putt. Une pute. Oh, non, Jacques, s'il te plaît. Pour ceux qui ont les images, hein, bien sûr. Même décalé, vous aurez compris. Oui, le ballon est remonté par les Écossais. Mais c'est sur les Écossais qui jouent, Jacques. Ouh, Macafon. La France défend, il ne m'étonnerait pas que les Écossais viennent égaliser très rapidement. Il y a Mac Oldman. Je te le dis comme ça. Oh là là, Jean McReeve. Qui s'est bien fait fort par la défense française. Et on continue de progresser du côté des Scottishmen avec Edimbourg, madame. Mac on Mac. Ah, bon, petit coup de pied, mais... Merdouement généralisé là-bas sur le petit côté. Il est là, Murrayhead. Ils sont tous là, hein, les joueurs écossais, je vous rappelle. Là. Et je suis assez stupéfait du maillot français. C'est stupéfait. Ouais. Ce maillot français, là, blanc, immaculé, sans rien dessus, avec tout... Enfin, c'est n'importe quoi. Merci. Merci, Jacques. Attendez, je file à la cave. Je reviens tout de suite. Super. Et on est pas tout seul à la cave, hein. J'irai pas, moi. Pour gagner du terrain. Qu'est-ce que vous attendez? Essayez d'avoir 3-2. Non, il y a déjà 7-0, madame. 3-2, ça va être dur. Je serais bien avancé avec 3-2. Non, arrêtez, je vous dis qu'il y a déjà 7-0. Un temps ensoleillé ne se fera généralement que vers la mi-journée. D'accord. Merci à tous. 3-2, c'est peut-être le Gers qui est honoré. pas. Merci Jacques pour cette tentative de récupération d'un son. Dédicace au 3-2. Ah, Jean-Louis, c'est une touche, hein, mais elle était directe, et donc on va revenir un petit peu en arrière. Voilà, c'est pour ça, ce n'est pas le magnétoscope qui tourne, c'est bien le direct. Ce coup de pied ne rebondit direct. Pas dans le, tu vois, dans le cadre. Bien sûr. Et donc la touche est directe et en direct. Et inversée, du coup. Inversement. Radio Sportage. Touche par la Francia, c'est Sam Vatt qui va la faire. Je pense qu'on lui avait trouvé un autre nom, mais on est tellement peu souvent avec les rugbymen qu'on a du mal. Ça joue. En combinaison avec Sangali. Magnifiquement, tant qu'il n'a pas été plaqué, il peut rebondir, c'est ce qu'il fait magnifiquement. La balle est sortie par la France avec Jean-Pierre Rive. Non, Mark Rive. Ah non, c'est l'Écosse. Justement, Mark Rive qui défend et on est aux abords du 22. Oh là là, Ipagnol qui a été tamponné sévèrement et c'est Clara Morgan Parra qui sort la balle pour l'équipe de France. Et maintenant, celle-ci s'infiltre dans les 22 mètres. Oui, mais il y a 3 Écossais, mais ils s'en sortent quand même avec. Ah, il va y avoir essayé. À nouveau. Ah oui, oh, mais s'il continue comme ça, oui. Parapou. Paratonnerre. Les Français sont extraordinaires. Ballon sorti par qui? C'est un petit peu le merdouement. Monsieur, lui, il le voit, hein, monsieur renversement. Pour l'instant, il est bien en place. Ah, il a l'œil. C'est à lui tout seul l'équivalent de 3 milliards de caméras vidéosurveillance qui nous envahissent évidemment sur la planète. Merci. Qui est filmée en direct tout le temps. Non, je ne commence pas. Non, parle-moi plutôt du service public et du sport en général plutôt que. Non, mais je vous conseille un bon reportage sur LCP, la chaîne de la démocratie française. Chaîne parlementaire, très exactement. Oui, demain soir, il y a un bon reportage sur la vidéosurveillance en France. D'accord, et en particulier et là, à Toulouse avec un petit drop France. Oui, un petit drop. Ah, Lou Drop. Voilà qui vient. Lou Drop Made in France. 3 points, you know. Tout simplement, ce qui nous fait désormais 10-0 pour l'équipe tricolore qui joue avec les trois couleurs exceptionnellement aujourd'hui, le blanc en haut, le bleu au milieu, le rouge en bas, c'est vous dire. Magnifique. Magnifique drop. Il est là, Patrick. Quatre points. 4 points. 4 points. Faites la point et arrêtez. Merde un peu les points là. Direction le site pour aller voir si les messages affluent. Affluent bien sûr, en stream. Pour l'instant c'est calme, bien évidemment, vous êtes tous bien évidemment scotchés devant votre télé, vous gobez les images et vos oreilles captent ce que nous disons avec une bonne tentative sur le petit côté dommage. Ralenti, non, merci Jean-Louis. Ça va Jean-Louis, sinon chez toi en ce moment? T'es cool Jean-Louis, à la maison. T'es cool, tu rentres le soir comme ça, tu bois le Ricard. T'es punch. On a des infos Jean-Louis, on a des infos, attention. Ça parle en ce moment dans les milieux, tu sais, c'est la période des transferts, préparation des années suivantes. Méfie-toi, Jean-Louis, il y a des jeunes. Oui, on fait un transfert, on peut tous finir en transe. Oui, sur un t-shirt, effectivement, on pourra tous finir sur un t-shirt un jour. On peut être transféré n'importe quand, n'importe comment. Là, il y a une petite chorégraphie, hein, monsieur. Ah oui, pas mal, renversement qui essaye de se remettre le peuple dans la poche. Dans la main, dans la poche. Et il a fait un geste égyptien même, on peut dire. Quasiment, oui, ce petit bras cassé que vous ne pouvez pas voir. Avec la France qui fonce. La France qui avance hein, sur ses offensives. Fonzi qui joue. Ok. Des jours heureux. Marions-nous. Ballon français, bien évidemment. Ils ont trouvé la bonne carburation, me semble-t-il. Oh, mais Jean, oh là là, non, Jean McReeve, c'est quelque chose. C'est ça, il défend fort bien. Même plaqué au sol, il continue à tenir le maillot pour empêcher l'action de se poursuivre. C'est extraordinaire. L'Écosse, c'est. Et celle-ci n'est pas travaillée, madame. Non, madame, ça c'est venu tout seul. sans aucun problème. Oh, terrible bataille pour avoir ce qui n'est même plus du cuir, Jacques. C'est du synthétique, c'est une espèce de faux ballon. C'est du ballon. C'est du ballon. Pour tout le monde. Alors celui-ci est bien joué de la part des Écossais. Il finit en touche dans les 22 mètres français. 10-0 pour le tricolore. Ah bon. Oui, ça va. Hein. C'est vrai que c'est passé un peu inaperçu ce score. Comme ça, vite fait, là. Pom-pom, même plus le temps, alors. Bah si, quand même, ça fait presque 15 minutes là qu'il joue, donc... Oh là là, on a vu une masse tourbe. C'est Jean-Louis, pour nous. Masse tourbe, un joueur de Monaco. Donc Banco, faut y aller. Ouais. Banco, faut y aller. Il ne joue plus, hein, Serge Banco, depuis un moment. Il est dans les banquettes. Quête, voir quête, Jacques. Dans les banquettes. Attention, Jean-Louis, serre, parce qu'il va se passer pour quelque chose. Pour survivre ici. Oui, Jean-Louis, pour survivre ici, il va se passer quelque chose. Parapsi. Clara Morgan Parra. Les pertes du ballon par les Écossais, mais avec un peu de chance, ils le reprennent. Oui, oh là là, c'est beau le rugby. Regarde-moi, ça t'enchevêtrement d'homme. Hey, Mac-out. Ok, Mac-in. Mac-out. Créé comme ça dans un regroupement. Ça pelote, mais ça avance pas beaucoup. Oui, ça pelote. On va faire du up and under dans quelques instants. Non, l'Écossais ne rendra pas le ballon comme ça, tu vas voir. Regarde-moi cette offensive. C'est un peu n'importe quoi au début, mais tu vas voir l'arrivée. Le plaquage français était très bon parce qu'il lui empêchait de livrer le ballon avec les bras. C'était magnifiquement fait. Magnifique. Ballon joué par les Écossais avec Pete Townsend. Pete Townsend now pour Roger Daltrey. Roger Daltrey qui attend le ballon maintenant. Et qui va chercher Angus Young. Angus Young. Yes, ACDC by Jack. Oh, avec the bad Jory Cooper. Récupération de l'affaire Médard. L'affaire Médard qui dégage. Il dégage tranquillement et qui rend le ballon aux Écossais. Oh là là, qu'est-ce qu'il vient nous bassiner avec ces trucs? Je t'emmerde! Vous qui régler vos problèmes en dehors, s'il vous plaît, des émissions et de l'antenne plus particulièrement. Tandis qu'il arrive un son magnifique, un son qui va nous prendre. Oui, un son aérien, que te dis-je. Voilà, du coup de pied écossais. Pourquoi à ce moment-là? Ah, quel son! Les Français ont mis le Warda dans la tête des Écossais. Ouais. Alors un petit peu sur un contre, voilà quoi. Et ensuite ils, en tous les cas, font montre d'une certaine envie. Mais s'il commence à reculer sur les plaquages, attention à ne pas laisser trop de jus de fruits dans cette partie. La France contre l'Écosse. Il va y avoir des boss. Il y a 10 à 0. Ici en direct du Stade de France. L'équipe tricolore mène là-bas. Merci pour ce ralenti, Jean-Louis. Mark Rive qui fait ce qu'il peut, mais quant à la phase B, là, vous pouvez la jeter. Waouh. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Oui, c'était Bonnerts. Du beau raffut. Bonnerts and Clyde qui était bon, bien parti. Bon vieux raffut, plus de 15 ans d'âge. Raffut en chaîne, Jacques. Il faut préciser la matière. C'est d'ailleurs ce qui fait le principe, bien évidemment. De Lavinas, le ballon remonté par un ralenti de Jean-Louis, c'est superbe. Hein, belles images là, par contre, à contre-champ si je puis dire. Mais bon, c'est vrai qu'on s'est un peu laissé aller sur cette action. Ça va nouer la musique. C'est une belle histoire d'amour. Right. Non mais stop. Watch for. Domenech qui est en train de s'effondrer. Ah là là, Raymond Domenech est en train de s'effondrer. On nous signale que Raymond Domenech est en train de s'effondrer. Ce serait temps. Ah bien, après ce bon petit quart d'heure de présence, il va être temps pour nous d'aller chercher le premier petit jingle de la journée. Alors pour vous préciser, hein, ce sont des jingles toujours frais, travaillés du matin. Vous allez voir. Attendez, il y a peut-être la mêlée quand même, un petit peu dangereuse. Ah, tu cherches un essai, toi. Non, il n'y a jamais d'essai pendant les jingles. C'est très bien. Intéressante, je veux dire, un peu technique. Regarde, il va y avoir une. Ah, je te laisse, alors, si tu la veux. Là, pour les Français qui sont dans les 22, mais non, pas du tout. Ouais, c'est pour ça, non, ça se sentait pas. Ça sentait pas. 10 secondes de plus. Juste 10. 10 secondes oh, bah, comme d'habitude. Quoi. Oui, il y a ici un homme à l'égard duquel j'ai fait le commentaire le plus court de ma vie. Drut, en 13 secondes. De... Sporteuse, le commentaire le plus drut. J'ai commenté comme ça. Ouais, mais t'as eu commenté t'es... déjà. Faudra qu'on vérifie quelque chose. On revient, excusez-nous, on revient. Je pense que nous allons pouvoir jeter ce on fait l'enquête sur ce single cold case. Ce jingle était mort. Il était foutu, on a ressorti le dossier. Terminé pour celui-ci. Vous ne l'entendrez plus, c'est promis. C'est une pénalité pour les Écossais pendant ce temps-là parce qu'il s'est passé quelque chose, Jacques. Alors quoi? Bonjour, vous m'avez fait peur. Bonjour quand même. C'est gentil de passer nous dire bonjour. N'hésitez pas également sur le site à laisser un message. Combien y a-t-il de connexions? Je te domine. Ce sera donc le récurrent système de la retransmission. Nous sommes retransmis en je te domine. Oui, en Thaïlande. Hein. Ah. Écoute, c'est une touche. Touche para Ecosha. Ecosha, que c'est magnifique. Magnifique avec Pittensen, qui donne à McGregor. McGregor. Au sol, on sort le balloon. Balloon avec Highlander. Oulala, Jean McRive, qui défonce tout sur son passage. Il est bon pour les Écossais. Ah, si revient à l'intérieur, c'est magnifique. C'est bien, oui. C'est bien. Vas-y, Castagne. Wow, Oshima. Castagne. Ils commentent à peine. Ils n'ont pas perdu le ballon, les Écossais. Ils tentent de s'infiltrer. Oh, radio regroupement, c'est magnifiquement fait. Oh. Ils vont marquer. Eh. Ils vont marquer. Oui, comme en Écosse. C'est possible. Ah, si, qu'est-ce que c'est? Oh là là, 3 mètres. Regarde ce petit pas. Il s'est bien fait reprendre, lui. Il est comme un salopin. Il s'est bien fait mettre minable. Et là, nous sommes au bord du précipice. Autrement dit, au bord de l'ambu. Et goal de Scotland. C'est la fin du cycle. Oh, c'est la fin de tout. De l'action, en tout cas, bravo. Les amis écossais de Scotland qui a multiplié les temps de vœux comme des vies multiplier les peines pour aller marquer cet essai. Il y a pleinement mérite. C'est la li. Pour la France là qui se remet à sa place elle-même. Enfin l'Écosse vient la remettre à sa place. Car n'oublions pas que l'essai français fut marqué lui sur un ballon de récupération et non sur une phase construite à partir de plein de mouvements pour désarçonner la défense. Laisse-moi t'inscale toi. Elle avait subi les impacts. Eh oui, on vient nous confirmer. Alistair Kellogg en 28 sélections. 28, Sporta 707, c'est à dire la différence qu'il y a entre ce joueur et nous quand même. Jacques 707 fois sélectionné. Ouais, tout David, de même. David 707 fois sélectionné. Ça fait beaucoup. Jackie 707 fois sélectionné. C'est énorme. Jean-Louis 707 fois sélectionné. Goal par la Scotland. Et voilà. Et qui met ses deux petits points de transformation et qui revient donc à 3 points seulement de l'équipe de France, mais en montrant un visage tout à fait dangereux et alléchant. Ah, on se souchit dessus, côté français. Alors qu'on était justement à un moment donné sur une possibilité d'aller inscrire un nouvel essai, mais on se fait avoir. Les Écossais ont remonté 80 mètres. Qu'est-ce que c'est ça? Tu étais bête de ne pas être là, car cette partie mérite d'être là. Oui, alors, cette partie est bien là. Oui, bien là, bien présente, bien en direct, bien dans ses bottes, bien dans sa botte. Ouais, là, ils m'inquiètent, les Écossais, parce qu'ils sont en train de passer, tu vois, entre deux joueurs, en passant les bras, le ballon continue de vivre. Ils m'inquiètent terriblement. J'ai de sacrés doutes. Ces dernières semaines, les Français n'ont eu cesse de se un peu flageller, en ressortant le dossier du dernier match. Australien, le dossier australien. Ah, s'il peut la donner, cette balle. Oh, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques de volonté de courir, de faire vivre la cuillère. Ah, je m'excite devant ce match. Ça sort pour l'Écosse, Scottish. Oui. Ok. Et voilà. Tout bon, simplement, coup de pied, oui, c'est pas le plus intéressant, hein, quand même. Alors qu'ils avaient plutôt le dessus sur les Français qui relancent, peut-être. Non, un peu fébrile. Petit coup de pied dans ces 22. Vois, le petit manque de confiance, quoi. Oui, sûrement. Oui, la petite trouille, on vient d'en prendre un. On vient d'en prendre la casquette, même si on est toujours devant. Hein. Ouais. Mais on sent que ça va pas. On sent là. Vous le sentez, vous aussi, chez vous. Vous êtes nombreux à nous le dire. Parce qu'il y a eu des erreurs de communication, à trop vouloir communiquer régulièrement, en voulant répondre à des questions auxquelles on pourrait dire que ce ne sont pas les ces questions maintenant, pas maintenant, cette question-là, on devrait repousser ces revues de presse, ces conférences de presse. Merde. Merci, messieurs, de vous être entendus sur quelque chose. C'est pas facile, hein. Couille, le talent d'or est déjà assigné pour McRive. Jean McRive. Je le dépasse, il est en avance, il est toujours là, il sort. Oui, et puis il est jeune, il va jouer encore très longtemps, sauf si, évidemment. Il se fait voir aussi souvent que là, il risque d'en prendre de tous les côtés. Et le ballon est magnifiquement relancé par l'Écosse qui met en danger l'arrière. Trou français qui se déchire à la réception. Oui, on a vu là la faute d'Anquetil. Et on a vu l'arbitre faire un magnifique bras jeté. Quelques mouvements d'école de la part de monsieur renversement. Récupération française avec Moultechoun. Oui, Moultechoun avec celui-ci. Il est bon, qui lui, par contre. Il a même fait un geste de bowling. Là, il s'est fait prendre la balle comme il faut. Tu vois. Il a redonné presque. Attention à la contre-attaque écossaise. À l'intérieur, c'est magnifiquement fait. Bute à gaz. Ça en bute à gaz. Oh, mais ça, c'est du rugby, ça. Voilà, on se la donne. Heureusement qu'il y a des équipes qui viennent rencontrer l'équipe de France quand même pour tu vois, proposer quelque chose, hein, parce que sinon on aurait un petit souci, même si c'est vrai. C'est peut-être le moment. À essayer de s'améliorer en début de partie. Ralenti Jean-Louis, magnifique sortie là de Mermoz, bien sûr. Non, c'est Saint-Médard. Ah, Saint-Médard, oui, Mermoz. Il s'est envolé tout à l'heure. Oui, il s'est envolé, effectivement, mais il ne devrait pas tarder à atterrir. Rassurez-vous. Alors, Jacques. Oui. Mermoz, il est pris dans le métro à Fontaine-Lestang. Il y a des fois. Non. Juste pour ceux qui sont du coin. Vraiment du coin. From Villerose. Ouais, de la rive gauche. Ah, quel fromage. Elle n'est pas tout à fait droite et c'est pas très grave parce que ça bénéficie finalement au français. Le capitaine du foutoir a mal négocié là et s'est retrouvé minable. Et la France attaque avec maintenant Bertrand. Oui, Banco. Banco. Oui, normalement, il est très fort. Ah, il est bon, oui, effectivement, mais McRae aussi. Oh là là, ce McRae, c'est quelque chose. Hein, c'est bon. C'est Conan et. Hubert McRae. le parapsy. Clara Morgan, pas Oui, mais c'est un peu long. Oui, mais ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup plus. Depuis que je dis Clara Morgan Parra, je constate que nous avons gagné 3 auditeurs. Seul pilote se faisait appeler Wolf. Wolf, ça va, monsieur. Mec. Alors, c'est vrai qu'il avait de bons outils. Coupé du 15 de France. Coupé. C'est le foot en coupe, on a dit coupé. Ah, pardon. C'est le jeu de l'autre côté. Remettez le jeu de l'autre côté. C'est bon, tout est en place. C'est Sportas. Voilà, et toi aussi, hop, un petit. Allez, tu bois ton œil. Allez, tu bois l'œil. Et toi aussi, allez, hop. Tout le monde. Il n'y a plus de sous à la Fédération Française de Rugby, donc on fait boire les joueurs à l'œil. Et c'est magnifique. Bon, on voit l'action de. Voilà. Anquetil qui cherchait Richardson. Il a le temps de se tenir la tête, de tenir le ballon, c'est assez hallucinant ce qu'on avait comme image là, Jean-Louis. Ouais. Même si tu n'en es pas conscient, parfois Jean-Louis, tu fais de très beaux plans. On revoit là le pénalty arrêté par Omeyer. Ouais. Oui, Jacques, tu es gentil, tu as quand même une semaine de bourre là. Non, mais le handball a un peu les glandes balles. Hein, je comprends, moment. Oui. C'est vrai que le service public n'a pas tout à fait été manifestement à la hauteur. C'est qu'un enculé. Autant là, l'image est à la hauteur du service public. Vraiment qu'un enculé, le service public. Mais c'est vrai que c'est passé des choses étranges. Hein, je n'ai pas peur de le dire. On peut regarder la FA Cup France 4 avec le Non, mais je te laisse faire, là, vas-y. L'équipe de France des moins de 20 ans de rugby, hier soir encore sur France 4. Bien oui, on ose à peine se payer la finale de Coupe du Monde de handball, hein, que juste le minimum syndical imposé par la réglementation européenne de télévision sans frontières. Et on n'en fait pas plus, on se demande pas si une demi-finale ça peut être intéressant pour le peuple de France qui souffre tant en ce moment, qui aurait tant besoin de retrouver du plaisir collectif. Et non seulement pour le... bon, c'est vrai que il nous a tout pété. Hein. En partant, Jacques est parti comme s'il venait de faire un discours politique. Il a quitté le studio, il m'a tout embarqué le fil, j'ai plus de son dans le casque, c'est la merde. Pourtant, il est déterminé. Hein. Ah, et ça, il est déterminé, ça, je peux vous le dire. Tu veux bien faire une fleur à ton frangin ? N'hésitez pas avec le ballon dans les pieds de l'équipe de France qui va tenter d'enfoncer son homologue. Allez, et elle va le faire. Et elle va le faire, bien évidemment. C'est la 5 points. Aujourd'hui. Mêlée. Pourquoi il donne une pénalité alors que l'action continue de se dérouler gentiment au bénéfice des tricolores. Il est un petit peu rapide sur le coup, monsieur renversement. Il craint quelque chose. Commence tout de suite et dure longtemps. ça dépend. Ça dépend, hein, madame. Pas... Tout le monde n'est pas du racel. Allez. Ce que je fais hein, quand je balance des pubs comme ça, c'est pour être recruté par une agence de communication. Des échantillons ont été prélevés et sont en cours d'analyse. J'arrive. Jacques est en train de tout faire en même temps. Pub, feuilleton, il est sur le feu. C'est extraordinaire. Oh. Oui, nous en sommes réunis bien évidemment. Allez. À devoir faire les galeries marchandes. Mêlée devant, mêlée derrière. Mêlée partout, oui. Là, je pense qu'on va aller au pied des poteaux pour monsieur Soiré. Alors, soit un joueur pénalisé. Ce ne serait pas McRive en tout cas. Oh non, pas McRive, il ne le mérite pas. De toute façon, il n'est pas du tout dans la position de. Non, il va pas. Non. Il va sortir des secondes lignes écossais. Oh là, déjà qu'ils ont du mal à 8 en mêlée, s'ils se retrouvent à 7, ce sera terrible. Ah oui, Murrayfield. Ça discute. Tu vas en vacances où, toi hein? Je pars en Port Marion, c'est super. Allez, bye. Bonjour chez vous, mais c'est une news. 10-7, ça n'a fait pas recette. 10-7, c'est un score sucette. 10-7, ça fait pas recette. 10-7. On s'écosse. Qui va garder les gosses? Direct, tournoi de Sea Nations. 10-7, ça n'a fait pas recette. 10-7, ça n'a fait pas rejette. Belle sortie française, peut-être, mais monsieur l'arbitre refait du hip-hop égyptien. Ah, mettez-vous à l'envers pour regarder cette image, voilà, vous tournez la télé, et ça va dire... Oh, 17, il y a une seule couleur, Voilà, Blue Man, où il est Blue Man, Et on retrouve Anorak. 27 minutes et 27 secondes et 28 et 29 et 30. Pendant ce temps-là, il y a de la motte sur la pelouse. Le beurre est levé, c'est le moment d'enfoncer. C'est un instant particulier de la partie. Soit l'Écossais résiste et ensuite il peut croire à la victoire. Soit l'équipe de France enfonce le clou et elle cavalera seule vers son destin. Le clou. Vous dites le clou. Le clou. Oui, d'ailleurs, du coup, je n'ai pas... Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Féliciter donc le directeur des sports hein, de France Télévisions hein, qui a eu quelques déclarations fort déplacées. C'est Bilalian ? Non, je pensais à Daniel Bilalian Clinton qui nous a pris pour des pipes. Vous en faites trop. Oh, yes, penalitata para Francia et c'est des pénalités même... Et c'est une pénalité, c'est-à-dire que l'arbitre considère que les Français n'ont pas pu marquer correctement. Voilà. Et donc, il leur accorde l'essai. Ah, essai de pénalité, dit-on, dans le jargon, dit-on. Oui, ça fait. C'est sympa, mais sans plus, quoi. Allez, c'est pas si mal pour l'équipe de France, qui s'est bien reprise. Ça fait 7 points de plus. C'est peut-être le talon d'Achille de cette formation écossaise, c'est effectivement sa mêlée qui subit beaucoup trop. Carlos Ghosn. Je vois pas ce qu'il vient foutre le patron de Renault dans cette affaire. Jacques, c'est n'importe quoi. Méfiez-vous, surveillez-vous, attention à vous. C'est lui qui nous surveille, hein, je me présume. avec cette transformation bien évidemment réussie, ce qui fait 7 points de plus pour l'équipe de France. 17, j'ai conclu de que j'ai fait le vous fait 17 à 7. 17, 7, 7, 7, 7, 7 en ce rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire, tandis qu'on revoit effectivement cette phase de jeu avec le Boeing, enfin l'Airbus français qui défonce oui. son concurrent adverse qui est en train de lui enfoncer l'usine jusqu'au bout. Et intervention qu'on ne verra pas de monsieur. Renversement. Ah non, vraiment, ça reste du rugby, vraiment, sous sa belle facette. Oh non, pas trop ça, hein. En oh, général, je parle oh, du match. Bon, écoutez, le mauvais, la face cachée du rugby ouais. fait partie de la beauté de la ce La farce sport. Cachée du rugby, oui, eh bien, farce, il va être temps farce. Pour nous d'aller chercher le deuxième, petite gueule. Oui, oui, je vous prends la gorge, là, je vous saute au paletot. Nous atteignons la demi-heure de jeu, pratiquement, et c'est l'heure pour nous, évidemment, d'aller chercher le deuxième jingle après cette chute extraordinaire du joueur écossais plaqué par l'homme invisible. Fidji. Rien qu'à l'idée de faire un jingle sport, je suis vraiment je bave. Bon, vas-y, dis-le. Sport. Ah, il le prend. Mais si, monsieur, nous l'avons pris, par contre, nous allons, le jeter. Pas de méprise. Pas de méprise. Parce que c'est quand même pas normal. Une demi-journée ou de trois quarts de journée. Quand mon père est parti au front, il n'avait pas peur. Il devait être un sacrément con. Oui, enfin. Ils partir ont... à la guerre sans avoir peur, faut être abruti, je pense. Ils nous ont sauvés, c'est pas comme... Limité à deux provinces à l'intérieur du pays, au moment... Hammam, on nous parle plus de Hammam, visiblement. Et le ballon récupéré par l'équipe de France, qui relance avec Jean-Pierre Coucaflier. Jean-Pierre Coucaflier. Du Limoux. De Limoux. Si vous voulez. Barak. Si vous voulez, voilà, nous avons été beaucoup trop sérieux pendant ces quelques minutes. Redevenons bien évidemment ce que nous fûmes. Oui. Avec un RBS, hein, Radio Branche Sportage. Effectivement, avec le joueur masturbe de l'équipe, nous sommes effectivement en pleine branlette. Radiophonique. Ça semble poser des problèmes, ça surprend. Eh oui, ça surprend d'être retransmis depuis un hammam, ça c'est surprenant. Si, beauté du Sud. Ouais. Michel, tu as vu comment tu parles ici? Je comprends qu'elle y soit allée, oui. Revenons au rugby, Jacques. Hein, oui, c'est oui. ce qui normalement nous intéresse aujourd'hui. Il pourra toujours se recycler. Petit intermède footballistique, nous ne serons pas là pour France-Brésil mercredi. Hein. Oh ben non, c'est pas une compétition, on vous laisse prendre ouais, du mais plaisir. Parfois on fait des choses. Hein, voilà. Mais nous allons suivre tout le tournoi des 6 nations. Hein, oui, oui, normalement nous y serons sur tous. Destination. Mais vous savez, en ce moment, quand même, le futur est fragile. Hein, ah, en ce moment, l'aléa est fort. Bien et sûr, le futur l'économie, est fragile. Du SK. Enfin. Donc, surveillez tout ça. Ce sera annoncé à chaque fois sur le site, bien évidemment. Avec le ballon relancé par Highlander avec Sean Connery. Oh là, il est passé. Ah, oh, s'il peut la donner, quel dommage. Oh. Récupérant de French. Ouais, the French, coup de pied extérieur du pied gauche. Ils sont un petit peu abandonnés par leur maladresse, les Écossais, parce qu'ils pénètrent souvent la défense française. Et celle-ci a mal. Attention à cette relance, tricolore avec Bamba Pumba. Bamba Pumba qui transmet maintenant le balle. Magnifique à Makuna. Makuna Matata qui attend souffrir le soutien de son frère et son partenaire et son frère et sa grand-mère. Et tout le monde est derrière, et dans le tout derrière, et ça avance, et là tu vois le ballon sort, tu fais la grande passe, et toi tu ne fais pas dans la caillasse. Allez, on récupère ouais, par les Écossais. Putain, qu'est-ce que c'est vachement. Bien joué! Ah, la France, l'Écosse, bien engagé! Un petit ballon de récup, yeah. Ah, tout à l'heure il y a eu un essai avec un ballon comme ça, attention celui-ci! Avec Ibagnol! Oh, Ibagnol qui est bien transmis! Ouais. Et ce sera une contre-attaque écossaise, à moins que l'arbitre intervienne! Non, ça joue! Il le fait! Yeah. Il le fait, Kiki, mais pas tout seul! Mais il est con, non? C'est pas grave, on récupère! Ah oui, mais il était. Oui! Avec moult choune. Oui, mais une certaine agilité. Dextérité, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était assez élégant comme jeu, cette petite balle donnée en plein décompression. Ça te plaît. Ouh, Mac ici. Mac. Bien pris par Ibagnol. Ibagnol, le commercial, il ne le lâche pas. Je peux te dire, regarde là. a trouvé un partenaire de jeu sympathique. Les Écossais se font passer le ballon. Les Français ne savent plus où ils en sont. Ils ont le tourni. Ballon sorti par l'Écosse. Ah, s'il arrive à la passer, c'est pas mal. Les plaquages sont ratés du côté français, attention. Oui, sorti Macaout et Macaïn. Ah non, Makin. Makin, Macaout. Macao, you Macao. J'ai été délocalisé. Ballon Écosse avec le monstre du Loch Ness là-bas qui tente d'effrayer la défense française et qui l'a fait magnifiquement. Oh, il échappe à tout le monde. Oh, il est fou ce fou. McElliot Ness, magnifique. Oh, c'était bien joué. Bravo les gars. Bravo. Ah ouais, vraiment. Montrer des matchs de rugby aux joueurs de foot, ça leur apprendra à se dépenser sur la pelouse. Bravo Coco. Deux belles équipes, une belle confrontation. Regarde le premier plaquage loupé, deuxième plaquage loupé. Oh, si celui-ci le prend pas, c'est Clara Morgan Parra qui le rattrape, mais si elle ne le prend pas, c'est chaud pour l'équipe de France. Ah, on essaye d'entrer. Quelqu'un essaie d'entrer, allez. Dès maintenant, oui, effectivement, quelqu'un essaie d'entrer. Ah non, ça c'est l'arbitre de touche, ça. Irfa mal fait. Je dégage, monsieur, casse-toi pour assister, monsieur, renversement. Bien évidemment. Et je rappelle le score. Harding, yes. Merci, Jackie, pour cette petite précision. Le score, 17-7 hein, oui. Pour les Français face aux Écossais dans ce tournoi destination Rugby Stick samedi 5 février, live and direct. Avec un essai de contre pour l'équipe de France, un essai sur une essai pénalité. D'une essai. concentré. De m'avoir sorti de cette sacrée merde dans laquelle je m'étais moi-même enfoncé. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Piouf. 35 minutes de jeu déjà dans cette confrontation. C'est vous dire comme les organismes, et le mien en particulier, puisque je n'en peux plus. Rejoins-moi au 08-84-84-80. Croissant. Tout de suite, Jackie. Je ne sais pas pour qui, mais à tout de suite. C'est une touche au bénéfice des Français. Avec William Sorin qui va donc faire cette touche, voilà. William Sorin, évidemment. À son poste, il n'a pas de concurrent, Jacques, je pense. C'est pour ça qu'il peut effectivement être tranquille. Écoutez, vous êtes une équipe de foot à nous écouter. Jacques est pudique, il n'aime pas dire les chiffres. Il gagne environ 25 fois ce que vous êtes. Ah non, merci madame. Ouais, c'est joli ce que tu chantes. J'adore. Tu sais que tu as une voix magnifique. Est-ce que tu veux chanter dans Radio Sport? Ah, vous n'êtes pas seul, bonsoir madame. Ah, c'est les enfants. Bon, écoutez, je vous laisse. À tout de suite. Merci Jackie. Pendant ce temps-là, les Écossais attaquent, les gars. Attaque. Non, mais vous rigolez, mais ils attaquent. Ils ont attaqué à mort. Ils font le walkie walkie. Là, c'est le monstre de Nambour là-bas. Il me glace le go, lui. C'est terrible. Et avec poteau carré. Sorti poteau. On dit l'adjectif avant. Hein. Carré poteau. Ouais, carré poteau. Sorti carré poteau. Oh oui, ça continue pour l'Écosse. Scott Tishman avec la contre-attaque française. Eh oui, ouais, c'est interception petit ballon des services secrets français. C'est cette maladresse hein, qui tuera l'Écosse. C'est dommage qu'il perde et qu'il vendange autant de possibilités. Un dégagement, bien évidemment, sale dégagement français, bien salopard pour faire reculer le pauvre petit écossais qui n'a plus d'argent. Ça va sortir. Enfin, c'est l'Irlandais, non, qui est encore plus pauvre que l'Écosse. Non, pas au niveau rugby, non. Ah, pardon. Non, l'Irlande a su se fédérer, par exemple, en tournée, en province, très intelligemment, bien évidemment, et le pognon des banques, ne l'oublions jamais. Est acquitté, bien évidemment. Pas tout à fait, non. Ah, si, tous, là. Ils vont se donner pour. Ça devrait pas. Le chiffre va être énorme. C'est vrai. On n'aurait pas dû acquitter les. Les bandits banquiers. Les banquiers. Je n'ai pas que des bandits banquiers. Alors, ce sera une touche pour William Sorin. William Sorin pour l'équipe de France qui va transmettre tranquillement ce ballon. Ce score qui évolue très petitement, très lentement, sans mouvement. Ce score est lent. McRae. Oh là là, quel gros plan de joueur. C'est mérité. Ouais, il se bat même quand il peut pas. C'est le bordel là, on dirait volleyball à Palavas des Flots. Le tricolore, le ballon qui va peut-être sortir. Mais calme-toi, René, calme-toi. Qu'est-ce que tu nous agresses là? Ne la dis pas qu'on se met à s'énerver contre la télé. Qui a été un ancien commentateur. qui n'en peut plus, qui continue. Qui commentait sa femme, hein, beaucoup, mais qui a dû s'arrêter un jour. Et ce sera une touche au bénéfice des tricolores qui le jouent rapidement, histoire d'emballer et de désarçonner. Désarçonner la défense écossaise. Alors c'est épuisant, hein, sur lui, non, ils sont complètement fous, les gars. Ouais. Faut pas commenter toutes les actions, Jacques, hein, sinon on s'en sortira pas. Hein. On a pour pas... la France, oh là là, sérieux, William Sorin, c'est monstrueux, mon dieu. Oh là, ils y vont, cette fois-ci, quand ils vont y aller, non. C'est très intéressant. Mais il y a eu un an avance si le ballon a échappé à un des joueurs français. Cette action était, ma foi, fort créative, je trouve, dans le rugby moderne. On pourra avoir ce ralenti, Jean-Louis, ou je te l'ai fait. Tu l'as lui fait quoi? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Attention, on revoit ce qui s'est réellement passé sur cette action, parce que nous, à vitesse normale, on n'y comprend plus rien. Donc là, le ralenti, et oui, effectivement, le ballon est perdu, perdu en avant par un joueur français. Quand même magnifique, je trouve. Ah oui, William Sorin, il défonce tout. Capitaine du foutoir, qui vient semer la pagaille, et là c'est... Haricot Blanc. Oh là là, Haricot Blanc qui... Nasri. A tout défoncé. Au revoir, non, Jean-Louis, c'est le ralenti, ça d'accord, va. D'accord, mais bon. Essaye au moins de le mettre au ralenti, Jean-Louis, quand donne tu passes à ralenti. Des stats plutôt. Non, t'as pas stade une stat. T'as pas le stade de France. Stade de France. Jean-Louis, non, t'as que dalle aujourd'hui. Non, t'as rien foutu. Genre, les Français sont pessimistes. Quel. Alors, pour lutter contre le pessimisme, que peut-on faire? Sportage, Radio Sportage. Radio Sportage à midi, Radio Sportage le soir. Radio Sportage le matin, Radio Sportage, quoi. Moi, je propose qu'on interdise de faire des marches arrière en voiture. c'est une proposition que nous étudierons. C'est négatif, comme nous geste. Nous étudierons prochainement. Quand tu t'engages, tu t'engages. Oui. Non, mais nous l'étudierons prochainement. C'est très cher, merci. Merci, c'est une mêlée pour l'équipe de France. Il est temps, bien évidemment, pour tous les acteurs de cette confrontation de rejoindre le vestiaire pour la mi-temps. Là, il est tampon. Il est un grand pont. Oui, un petit pont. 39. Bon, qu'est-ce que tu as chaud, Jacques? Une première, peut-être une première analyse de cette équipe de France New Look, soi-disant, dans un environnement New Look, soi-disant, avec des choses New Look, soi-disant. Bah, vous l'avez dit, c'est du marketing moderne. On communique beaucoup, on agit beaucoup moins. D'où ton fameux mot « casse-toi, pauvre com ». Oui, il y a de plus en plus de com qui nous entourent et moi je dis « casse-toi, pauvre com ». Carla com, ça peut être riche. Attention, tu as dit quelque chose, tu as dit Carla com. Déjà, tu vois, tu es tombé dedans. Eh oui, je suis là pour surveiller, car il faut toujours quelqu'un qui surveille. Bientôt, c'est la mi-temps. Attention, ce dégagement écossais, s'il passe entre les poteaux et entre le périphérique, alors ça peut compter des points pour l'équipe scottish, mais il s'en fout, il met tout ça en touche. Ouais, et c'est la mi-temps entre la France et l'équipe d'Écosse. Time shift. 17-7 entre les deux nations dans ce tournoi des Six Nations Europe, s'il en est. Moi, un petit match sympathique, une première période emballante où les Écossais ont proposé du jeu, où la France a imposé sa défense et sa puissance. Les costumes étaient de... De personne. Et les vestes... À tout le monde. Mi-temps donc ici au Stade de France, hein, pour nous il va être temps de réparer le bassin. Il arrive que les avions s'écrasent. Il arrive que les avions s'écrasent sur le studio de Radio Sportaz. Et nous allons donc réparer un petit peu tout le matériel qui commence à prendre feu. Ça chauffe ici. Une alerte manifestement, sur Toulouse en tout cas. Alors combien? Une alerte. Alerte. Apparemment, c'est la SNPE hein, qui aurait quelques problèmes à nouveau. Je ne rigole pas, ils ont eu quelques pertes chimiques ces jours derniers. Vous ne l'avez peut-être pas su, mais vous avez peut-être beaucoup toussé par contre. Et oui, le carburant d'Ariane, ça peut faire mal aux poumons. Attention, Jacques, si tu as des infos, tu lâches tout. Je l'ai dit, je viens de le dire, c'était une info. Ah ouais, putain, on aurait respiré. L'expert auprès des tribunaux avait été saisi. Que fait la justice? Ah, ils sont quand même... Ils sont agités, ces rugbymen. Hein, ils t'obligent à les suivre dans les actions, là, tout ça. Non. Alors qu'on n'est pas billet, on n'est pas billet aujourd'hui pour jouer, enfin, non. L'Italie de justesse 13 à 11. Oui, ça c'est le score de l'Italie, hein, qui a perdu tout à l'heure contre l'Irlande. Sporta 707 mi-temps, on revient. On est bien là. Ah, on est là. Je pensais qu'elle sauterait en parachute comme. Une information, Jackie ? Oui, on peut remercier Jim, on peut remercier Grand Jack qui sont pas à l'écoute. Nos mémoires, bien évidemment, mais je sais que vous êtes beaucoup plus nombreux que deux à nous écouter en ce moment. Et comme vous parlez pas, je ne peux pas citer vos noms. Vous comprenez comme un hein? Est-ce que vous comprenez? J'ai vu sa signature et tout. Non, l'important c'est pour nous d'avoir des messages et ensuite on peut déposer bien évidemment devant les huissiers pour justifier, vous comprenez, de notre activité. Voilà pourquoi nous insistons lourdement sur ce sujet. Alors, je répète, hein, pour ce soir, j'ai un discours auprès des actionnaires de Sporteurs. Ça allait la voix, c'était bon. Ne faisait que fragiliser le programme. Ah, désolé. Sporta 707, 5 avril 2011. La crise, le malaise. Les loups vous mettent en... C'est le 5 février. Enchaînez ! Enchaîne, salope ! Enchaîne, salope ! Là-haut, jour 1, dans l'accès central, j'ai... Jacques, tu joueras dans l'axe central, hein, d'après mes informations. Après toutes ces années, Sparta. Bonsoir François Lonnet. Bonsoir Mathéo. François lance 18 7e, Valenciennes 13e. Vous êtes un peu devenu le spécialiste des derbies du Nord-Pas-de-Calais. Radio Sportaz, je me sens deux points plus point d'exclamation. Il y a fell for you, baby, like a bomb. Now my love's gone up in flames. We're history, baby, read it in a book. It started with a fire that ended with a look. I fell for you, baby, like a bomb. Now my love's gone up in flames. Baby, my life is done. You could've shot me, baby, shot me with a gun. I hear those sirens scream your name. Our tender love is gone up in flames. Mais j'ai l'impression que ça a repris. Je crois. Excuse-moi de te déranger, Jacques. Ah, salut. Ça va ? Public, si tu veux revenir, petit public, tu peux revenir parce que j'ai l'impression que le match a repris. Coucou ! Ah, coucou ! Voilà, on a eu peur, on a eu un blocage. Manifestement, on a été bloqué par. Écoutez. On n'y était plus du tout, oui, tu veux dire. Internet est de plus en plus sécurisé, voire de moins en moins libre. Ah ben on arrive sur une pénalité pour l'équipe de France après une énième mêlée écroulée par les pauvres petits Écossais qui dans ce domaine souffrent terriblement. Ils vont se retrouver avec les épaules au niveau du coccyx si ça continue, et là pour le rugby ensuite ce sera beaucoup plus délicat. On va dire qu'ils ont une certaine responsabilité de pouvoir mieux jouer et mieux égaler cette équipe de France qui, ma foi, nous a quand même régalé. Ouais. Jacques vous dit ça tranquillement en finissant son petit travail personnel en bichonnant sa petite création. Il vous dit ça là tranquille comme si vraiment c'est ça le professionnalisme, c'est l'homme détendu qui tousse à côté du micro. Économie 7, fraternité 17. Oui, on peut le voir comme ça. pas Jacques, là tu forces un peu le trait quand même, c'est vraiment, c'est un peu manichéen comme raisonnement. Tiens, t'as la télé qui a pété, ça t'apprendra à dire des conneries. Ballon récupéré par... Allons, par qui? L'Écosse. Par l'Écosse, oui, avec John McRives. Énormissime. Oh là là, il est monstrueux. Et puis regarde le cadrage, débordement, il échappe au plaquage. Mais il est somptueux, ce jeune et élégant bipède qui fout la pagaille dans la défense française, tellement sûr d'elle-même. Ça dégage. Ballon récupéré par la mitrouille. Oui, qui lui, mis en touche. On lui a donné les consignes, enfin les consignes, on lui a donné une consigne, on lui a dit ballon pan, ballon pan. Il l'a fait. Ballon pan. Oui, il demande si c'est bien la bonne consigne, effectivement, pour lui, ça n'ira pas. Et voilà, Jean McRive, victime de son succès, agressé par des groupies. Regardez-le, il s'échappe, il est obligé d'échapper aux groupies qui veulent le sucer, qui veulent tout lui faire. Et regardez, il échappe à la première groupie, mais la deuxième groupie s'agrippe à lui. Et là, les hyènes vont arriver, regardez-les, les femelles en chaleur qui se jettent sur la star de rock'n'roll qui n'en peut plus et qui reste couché sur la pelouse après avoir subit les assauts des femelles en rut. Ici, je vous rends l'antenne à vous, Cognac. Très bon dancing, merci Jackie. Ne touchez pas ça, madame. Vous m'avez déréglé le... Non, madame, vous l'avez vraiment déréglé le micro, là. Ah bon? Non, ce n'est pas ça, bien. Ça passe très bien, pourtant. Non, mais ça passe. Non, mais dans la mise en place, je mettais... Mise en bouche. Je mettais vraiment... Oui, avec Mark Presses. Il fait la touche et ce sont les Français qui récupèrent, il l'a complètement foiraise. Oui, bien sûr. Comme on dit à Saint-Etienne. Oui. Le 42, donc c'est le chiffre à Jacques pour ce soir. Oh, le ballon est remonté par la France avec Jean-Pierre Foutre. Foufou pour Jaco. Jaco Tonnerre. Jaco Tonnerre, moi ce soit Barra Tonnerre. Hein. Oui, peut-être aussi. Clara Morgan Paratonnerre, ça passe aussi, c'est long, mais ça peut passer. Clara qui sort la balle, non intervention. Ouais, ouais, c'est vrai monsieur, de monsieur. Il y a un côté électrique. C'est ce joueur. Je me braque marre. Et les Écossais aussi également, qui font résistance face à cette attaque forcenée des Français. Ouais. En fait, si on voit la débauche d'énergie, 17-7 comme score, c'est finalement pas grand chose. Hein. Ça reste petit tout, assez peu fertile quand même. Oui, tant que ça, ça ne part pas en sus 7 ouais, bah si, comme voilà. Maintenant. Là, tout est. Alors, Jean-Louis, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est nous? Jean-Louis, non, maintenant il faut nous dire la vérité, Jean-Louis. C'est toi, hein? C'est toi. Ah, c'est toi, mon salaud. Ouais. Ça grésille, avec mais. Avec les trois bandes d'un sponsor qui essaye de se rappeler au bon souvenir de l'équipe de France de foot. Et finalement, ce sera une magnifique touche trouvée par l'équipe de France. Qui va jouer, les Français bien sûr, hein, qui ont dominé hein, la touche pendant ce match. Alors que là, qu'est-ce qui se passe, Jackie? Ah là, nous avons regardé Adidas essaye de revenir en premier plan. Regardez, il balance les trois bandes subliminales, mais ça se voit beaucoup trop. C'est une très mauvaise opération marketing, je tiens à le dire. Alors que là, je crois que c'est Clara Morgan Parra qui a subi les assauts de toute l'équipe écossaise. Et malgré son grand professionnalisme, à un moment donné, quand même, il faut arrêter. Ouais, apparemment, c'est Croco Siffredi. L'animal. Il n'a pas eu le coup de pompe. Qui chasse du 42. Nous avons quelqu'un de plus qui vient de balancer un message. Alors il est long. Est-ce que j'y vais? Je vais lire ce message. Faites la fête au message. Quand on est un petit média comme nous, le PPM, le plus petit média. Maison, bien sûr, Radio Sport as home. Alors contre le décalage, on vous rappelle qu'il y a le time shift que vous pouvez faire à n'importe quel moment du match. Oui, pour ceux qui disposent bien évidemment de la technologie la 44 minutes et 51 secondes, 52 secondes. Mais finalement, on n'a pas besoin de leur dire. Hein. Ils écoutent 4. Les commentaires, si ça correspond à l'action, ils bloquent. Ouais. C'est vrai qu'on ne commente pas souvent les actions non plus, donc ça risque d'être un peu délicat. Cette fois-ci, ce sont les Écossais qui attaquent. Ils n'ont que 10 points de débours. Oui, Jean-Louis, on est concentré. Merci pour cette petite musique, hein. Vous pouvez arrêter la musique, monsieur. Merci, non, j'ai l'impression d'être au supermarché là, et de fourguer là, dans les saucisses à René. Allez, Il y a de belles courses dans ce match. Oui, France-Écosse, 17-7. Vous en connaissez un rayon, hein, vous, alors. Hein. Oui, c'est frais, c'est bien, c'est pimpant. Ah, ça, c'est bien, ça, wow, c'est bien. C'est pro, c'est mou. Voilà, avec William Serin, regarde-le. William Serin, Jacques, s'il te plaît, pas de publicité pendant le commentaire. Avec la France, oui, ah, bien joué. Enfin de la petite sympathique combinaison. Tandis que Jacques est obligé de mettre le doigt à la technique à la pour, pour remettre l'écran en marche. Et ça continue pour l'équipe de France qui sort la balle avec Richard Astre. Oui, de Castres. Exactement. Richard de Castres. Zézier. De Béziers. Raymond Luçon. Ah, oh, s'il vous plaît, ouais. Arrêtez, dans les 22 mètres. Nous sommes dans les 22 mètres écossais. Cyril Imou. Merci Jacques, celle-ci fera blanquette. Non mais, toutes les conneries ne rentreront pas dans ce sportage ouais, 707. Mais les Français sont dans les 22. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de flics dans les C'est vrai que, effectivement, entre les caméras et les Pandores, on ne s'en sort plus. L'insécurité quand... est régularisée et bien banalisée, on va dire. Voilà, oui, quand le gendarme, voilà. Les gendarmes. Oui, il paraît-il. Attention à ce ballon, sera-t-il récupéré par les... Oui, Français. Les Français, oui, Jacques. Qui font corps. Qui ? Qui font corps. Ça ne veut rien dire. Pour leur dame, peut-être. Mais qui jouent les échecs, j'espère. Qui font romeux, je connais. Qui font grave, mais qui font corps, je ne connais pas. Jean-Pierre, mon latin. Et c'est une pénalité signalée par Monsieur Renversement qui justement renverse le cours un petit peu de cette action ouais. Qui était au bénéfice des Français. Et là, on est allé au-delà. Alors qui ? Ah oui, c'est William Sorin qui, une fois qu'il est couché, n'a plus le droit de poser la main sur le ballon. On a vu Mac Démolition contre Mac Démocratie. Oui, alors, bien évidemment, Jacques, vous pouvez jouer sur les mots, hein, bien évidemment. Sur l'émotion. Vous pouvez avoir... Oh, mais vous clouez le Québec. Applaudissements fournis du public. Bonsoir et bienvenue ce soir pour cette nouvelle représentation Sportaz 708. Sur pleine offensive française. Oui, c'est une tout à fait d'origine française émission à caractère humoristique. Sportaz 707, ça fait recette. Aujourd'hui, c'est un peu venu. Oui, un peu venu aujourd'hui puisque vous êtes pratiquement une équipe de rugby à nous écouter. Wow. Il faudrait bien évidemment la bonne petite balle, bien jouée. De la chance, mais... Ah non, c'est pas de la chance, ça, Jacques. C'est pas de la chance, c'est du travail, du talent, de la dextérité. Ah non, tout ça, c'est la chance. Je t'en prie, hein. Jackie devient poli, mais féroce. Le ballon est remonté par l'Écosse. Quel spectacle. Quel spectacle d'après Jacques, qui s'y connaît, puisqu'il a quand même commenté 707 matchs avec celui-ci. Ouais. En étant censé. En essayant de l'être, tout au plus. Voilà. Et cette voix qui est reconnaissable partout où il passe. Alors. Il est obligé de parler en braille désormais, Jacques, en geste, parce que sinon sa voix est reconnue partout où il atterrit. Et bien évidemment, il n'échappe pas au sujet. Et là, on voit ce qui s'est réellement passé sur cette action. Oh oui. Il tripote le short. L'équipe de France qui tâtonne dans son jeu. Mais qui l'a dans sa main ? Il l'a envoyé bouler. Débile. Attention à cette... Clara Morgan Parra, tonnerre. Ah ouais, mais là, on a le temps de le dire. C'est pour ça, on peut y aller tranquille. Clara Morgan Parra, tonnerre, qui va tenter donc de faire tomber la foudre sur le peuple écossais. Va te faire foudre. Monsieur, arrêtez derrière. Là. Mais le marché de la fourrure revient en force. C'est une information qui nous sied. Ballon qui va être bientôt balancé par le pied et. Eh oui, c'est des sons qui dépoulent. Et non, c'est à côté, Coco. C'est à côté. C'est compte à côté. Bon, bah écoutez, c'est à côté. Déçu. Très déçu là, par ce petit match. Maintenant, deuxième mi-temps. Non, Spissatus hein, qui était venu nous rejoindre. Excuse-moi, Jacques. Je te donne l'information en kit. Non, c'est donc Spissatus. Vous pouvez quasi chatter avec nous. Oui, envoyez le message, je vous le rappelle. Hein. Nous nous servirons de ces messages pour éviter, bien sûr, l'expulsion par les huissiers qui nous cernent désormais. Avec la France qui remonte et Jean-Claque-Merde qui sort la balle maintenant pour René Lagaroule. René Lagaroule. Georges Baff. Oui, Marcel Borden. Marcel Borden qui tente de déborder magnifiquement. Ouais. C'est fait pour... Ouais, on voit Chambéry là qui fait le forcing. Igor Chambéry, hein, Jacques. Contre le Paris Saint-Germain. Ah, décidément, lui, quand même, il aura trouvé ce qu'il faut. Produit Favre. Ballon français avec Guy Lamolette. Guy Lamolette, t'as vu, Jacques, t'es obligé de mettre un petit coup de doigt. Le doigt de l'homme. Pour relancer l'écran. Sportaz Radio Home, Radio Home Sportaz, comme vous voulez. Peut-être un jour, nous vous inviterons individuellement, bien sûr. Oui, pas trop. Hein. Vous pouvez rentrer à trois dans le studio. Là. C'est vous dire, comme le studio est petit, à trois invités, oui, ça peut passer, mais avec l'aération. Ça le fait, avec les sensations, bien sûr, en plus. Et ces petits écrans, ces grands écrans, ces grosses archives. Ah non, mais c'est petit, mais il y en a partout, c'est ça qui est fantastique. Pendant ce temps-là, sur la pelouse, ça bataille. Sa bataille ferme, le conseil municipal de Pompierre-Touza n'est pas tout à fait d'accord pour la création d'une rocade qui défigurerait totalement le paysage. Et donc en face, l'opposition se met en balle grâce à Jean-Marc Rive. C'est les verts qui sortent. Oui, c'est souvent le cas. Jacques. Première ligne qui tombe, une seconde. On est loin, Jean-Louis, tu filmes de plus en plus loin, Jean-Louis, je ne sais pas ce que tu as. Avec Clara Morgan qui échappe à de sévères ardeurs, mais ils n'auront pas le ballon, c'était en avant. Non. Alors, monsieur, renversement. Mais la France semble poser son jeu et du coup les Écossais n'en profitent à rien. Oui, c'est difficile pour l'Écossais physiquement, commencent à subir les impacts. Et là on voit Clara Morgan Parra. Et oui, il y a l'en avant effectivement de Placido Domingo qui en étant plaqué a chanté oh, ils sont délectés les papines. Possible. Comment l'appellation aux États-Unis pour dire non sans plus, on dit qu'est-ce qu'on dit? Non sans plus. Non sans plus. Alors c'est quoi, c'est oh là qui là, ah, c'est Décalco qui rentre. Décalco, qui décalque tout. Ah, il est plein de manies. C'est son massage. C'est Masturbe qui sort, bien évidemment. Pour lui c'est terminé, à un moment donné il faut bien que ça s'arrête. C'est vrai, c'est sorti. Vous êtes carrément dégueulasse. C'est nounours venu tout droit des États-Unis. Oui, des nounours. C'est un nounours qui nous vient tout droit des États-Unis. Regardez-le s'il est beau. Décalco. Elle est mon beau. La maladie. Ok, good tenner. Merci Jackie de nous ramener de temps en temps. Pour la seconde partie de ce magazine. Dans la seconde partie de ce magazine. 52 minutes de jeu. Je dis ça pour ceux qui nous rejoindraient à l'heure actuelle et qui auraient envie de time shifter chez eux. Parce que attention, ça peut devenir une drogue le time shift. Oui, ça sent que le score est keblo. Ouais, 17-7, c'est depuis tout à l'heure. Par contre, 52 minutes et. Crash Willy. C'est bloqué. Crash Willy hein, qui a remplacé Clara Morgan Parra. Donc, cède sa place. Gentiment. C'est stratégique. Je pense que c'est autre chose. Et donc vous dites, c'est qui le petit jeune? C'est Crash Willy. Hein, Crash Willy. Oui. D'accord. Dimitri, à moins que... Enfin, vous avez 5 minutes pour lui trouver un nom d'emprunt, bien évidemment. Attention à ce ballon récupéré par les Écossais qui vont prendre dégagé. Il n'y a toujours que 10 points d'écart. Tant qu'il ne s'appelle pas Poutine, ça me va. Allons-y, dégageade écossaise. Bonne touche écossaise. Il se libère un petit peu. Est-ce que on peut aller se chercher un petit jingle à la cave là? C'est-à-dire vraiment à la cave alors? Ah, ouais. Non, pas trop. Pas ceux qui sont poussiéreux. On va se prendre un petit jingle là tout de suite. Y a quelqu'un? Sportaz. Naturellement. Y a quelqu'un là, j'en suis sûr. Finissez, c'est Captain Olive qui nous a rejoint sur les ondes, en tous les cas sur le site, pour envoyer son message. Ballon sorti par la France avec Dimitri. Dans le camp écossais. Oh là là, du calcon d'entrée, on essaye bien évidemment de le reproduire. Ah, on observe là Macarico écossais qui récupère ce ballon et qui s'infiltre. Non, ça pas du tout. Sympa, Rilo, ça peut être sympa pour les... Pour le musée. Hein? Pour quel musée, Jacques, quand tu parles? Ah, pardon. Je m'en prie. Super. Voilà, une fois de plus, c'est John McRae, ouais. Là, qui est partout au plaquage, au ballon, à la course, au film. Regardez-le, il est là derrière et on ne voit que lui. On ne suit même plus le ballon, ouais, on suit John McRae. Il est là, ça va être un essai français. French, goal. Dans le poteau, C'est Ibagnol. Le Ibagnol. Goal de Ibagnol para Francia. Sur un mouvement sympathique dont on n'a pas suivi le début et finalement, on se satisfera de la fin. Goal de Ibagnol. Oui, puissant. Il a su tenir son ballon, même si cette chisseur a été... Ça, il part et puis finalement, il revient, ouais, sur l'intérieur et ensuite, il a les jambes, bien évidemment. Ibagnol, il a les roues, il a les essieux, il a le moteur, il a tout. Plein de tubes. Qui est en avant sur cette balle? Non, mais magnifique petite passe de François Trouduc. Magnifique balle, François Trouduc, qui a pondu ce ballon. Ça rentrera dans les annales. L'essai étant transformé. Oulala, les Écossais, non seulement ils viennent de prendre un essai, mais en plus il y a Landru qui rentre. Et là, ça va pas être pareil. Intelligence de jeu de Ibagnol qui a amené tout le monde. Oui, il est là, le vendeur, bien évidemment. Le Godor. Il a vraiment de la chance. Ouais. Changement de tous les côtés. Toutou. Et nous aussi, tiens, d'ailleurs, on va changer. Changer de côté. Il est là, il est rentré. Oui, oui, Biftek. C'est un petit peu le mot. Il va en croquer. Avec une récupération française, ouais. 55 minutes de jeu, madame, 55 minutes. Oh. On est dans les 22 et là on est en confiance, on contre-attaque. Bien évidemment, ça nous fait 24-7. Allez, c'est allez, jusqu'au bout. Pas mieux les mecs. Ah oui, le strike. Strike. Pour les Écossais, mais c'est ouvert encore, c'est tout ouvert, c'est over-over, ouais, mais là, c'est over avant. Fini par blague. Signalé par monsieur renversement, bien évidemment, qui ne se laisse pas niquer par le jeu français. Exemple. Merci. Nous allons vous faire écouter quelques instants. Il est où d'ailleurs? Minou. Arbre blanc from Jean-Louis, ouais. D'accord, ok. La migrouille. C'est vrai que, au niveau de la coiffure, il y a des choses à faire. On écoute un petit peu, ça va requinquer le joueur tricolore. Attention, 3, 4, on y va, on descend et stop et hop et on remonte. 2, 3, 4, attention, on y va, on descend. Souffle, c'est bien et ça. Hop, très bien, coup franc. Et finalement, ça me rassure. Et bien évidemment, madame. Voilà. Le ballon va être dégagé par les Écossais qui ont maintenant quand même 17 points de course. Ça commence à faire sérieux. Hein. Ah, ça tient un peu d'avoir la psychologie du bon côté. Et la balle aussi. Ah oui, affirmatif, quand on est en confiance, on est en défiance et on avance. Merci Jacques. Merci, c'est beau ce que tu viens de dire. Je pense que c'est cette musique qui te transcende. C'est du dopage musical. Thérèse Plus se vend. Et c'est interdit. Monsieur, vous avez raison, en avant. Français, mêlée pour les Écossais, mais la mêlée, c'est pas vraiment ce qu'ils ont envie de faire en ce moment. C'est pas vraiment leur truc. Trouver le bonnet rose dans l'assistance. Et c'est un changement, un nouveau changement. Le docteur Giradou qui rentre. Eh ben quoi, tu le dis. Ouais, c'est ça, ouais, allez, laisse-moi tranquille, je travaille. C'est le top en matière d'économie. Jacqueline, on s'en m'étonnerait. Le travail. Il y a toujours un intrus dans les images. Bravo Jean-Louis, c'est ton nouveau jeu. Trouver l'intrus dans l'image. Trouver Charlie. Et là, ce sera une pénalité pour les Écossais sur une mêlée. C'est rare. C'est rare, mais ça peut leur faire du bien, tu comprends. Ils peuvent reprendre le moral et se dire que finalement, la France n'est peut-être plus aussi puissante qu'elle l'était au départ. Allez, une pénale touche. On va récupérer la touche pour les Écossais d'en haut. Ouais. Une bonne petite. Avec Burhead, bien évidemment, ils sont tous là. Les Écossais, on voit ce qui s'est réellement passé. Si vous y comprenez quelque chose, vous nous renseignez, vous êtes gentils. Ça s'écrase, hein. Ça c'est sûr. Ça s'écrase même. Ouais, maintenant comprendre quelque chose de la mêlée, de ça, même les plus grands scientifiques se sont planchés sur la mêlée. bien évidemment, Jacques. Quelle belle iconographie aujourd'hui, quelle esthétique dans l'image. Oui, j'aimerais que quand je parle, on parle pas, hein, merci. Finissez-moi. Marek Benda au douche. Oui, belle sortie pour la Écosse, attention. Attention avec Jean McRive. Jean McRive qui provoque la défense française. Oui, et qui l'a. Il avance, sa deuxième ligne qui est là. On va sortir ce ballon côté Makin. Oui, il faudrait sortir Makout. Si on veut sortir cette balle, il faut que Makout aille un petit peu plus vite. Le cuir est là pour les Écossais avec Highlander. Highlander qui tente d'y aller tout seul. Oh, finalement, off. Il donne à Makoff. Donc c'est pas Madoff, tout va bien. Et non, l'intervention de Monsieur Renversement qui laisse développer l'action avec une petite progression. Oui, non, pas tout seul, qui n'y arrivera pas, Coco. Certes, l'équipe de France est à 24 points, les Écossais à 7 points, donc il n'y a pas grand danger. Avec un petit essai supplémentaire, ils reprennent du bon, il reste encore 20 minutes à jouer, tout est faisable. Allez les Gosses, allez les Gosses, marquez-moi ce putain d'essai de merde, il n'y a pas d'en avant. Sauté de poids passé. Il considère qu'il y en a avant, moins qu'il ait vu une position de hors-jeu. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Bien vu, Jacky, pour une fois. Alors, je me semble-t-il, de la ligne de défense écossaise ou française qui nous a fait une pénalité pour l'Écosse. Avec, qu'est-ce qu'il fait? Pénalité pour l'Écosse, il la tente ou il la joue? Ils sont très en retard au niveau point, ils la jouent. Oh, le fighting spirit ouais, Irish bon vient de se transformer. Oui, go! L'Écosse venait de marquer un essai à l'équipe de France. Alors, tout était relancé. Nous, on en prend. L'équipe de France aussi. Ils en ont pris un. Et monsieur, quoi que vous citiez, je vous suivrai. Goal par Scotland. Que si venait à transformer l'essai, ça remettrait l'équipe d'Écosse à 10 points seulement et ça deviendrait de nouveau intéressant. Nous allons ensemble laisser le buteur écossais se concentrer. Ils en ont pas vraiment besoin. Rapide, il la met. Goal! Goal! C'est en force, certes. Moins en force qu'une mêlée. Mais... Moins en force qu'une mêlée, Jacques, je suis au regret de te le dire. Et c'est homme. Et la France encaisse un essai supplémentaire. Et voit fondre son adversaire. Arrêtez-moi cette musique, parce que sinon ça va plier toute l'atmosphère. Ah, il y a les calentonous, là. Attention à cette relance. Et oui, ça va donner du baume au cœur aux Highlanders. Arrêtez-moi le tintouin. Deux buts rapides. Ah, on y va. Deux buts rapides. Deux à perdre. Deux buts rapides. Ah, on y va. Deux buts à perdre. Ballon qui est mis en touche. Alors pour qui? Qui le bénéfice de cette touche? Visiblement au tricolore. Le tricolore, le joueur français, le docteur Guiradou. Le docteur Guiradou qui va faire cette touche. Oui. Pour la France. Ouais, pratiquement raccourci si on considère que les joueurs derrière ne jouaient pas. Il considère qu'elle ne fut pas touche, qu'elle ne fut pas droite, et on donne une mêlée. Petit instant de merdouillement sur la pelouse, les uns se reprochant les autres ne parlant plus aux uns. Ça nous donne ce petit moment hein, de libération hein, du jeu. Si vous voulez un jingle, il n'y a pas de souci, mais. Ah bon, c'était ça en fait l'idée. Mais j'allais vous le dire. Envoie la sauce, Paul. La sauce, j'ai dit, oh ah, qu'est-ce que t'as regardé, toi, là, oh. Hey, mon petit, fais gaffe, hein. Ouais, sortez du studio, là, on doit faire un jingle, les meubles. Sportage. Alors, nous vous donnons une explication. Ces jingles ont été retrouvés sur des cassettes qui datent du siècle dernier. C'est vrai. Et effectivement, nous avons progressé. Nous sommes rentrés dans les 20 dernières minutes de cette confrontation et l'Écosse attaque toujours, comme ici, regarde bien, ça. Ah oui, c'est fin. Ah oui, il est bien. L'Écosse est fin. Hey, petit poids pour tout le pas monde. Pas de fèves. Et c'est parti sur la droite avec Mac of Fire. Mac of Fire. Fire que Mac on Light. Ok. Yes. Oh, oui. Mac on Right. Michael Urgency. There is fire in the French house. Oh, with Scotland. Scotland now with Jack Narrow, Fred Lorries, and Will Respectable. You are surprised. Oh, so sorry for the ball now for McCover. McCover who stunned. The Fergus was out. Merci, monsieur. Eh oui, on a besoin de tout le monde pour finir ce match. Et il y aura pénalité pour la France signalée par monsieur Renversement qui renverse son propre diagnostic. Pour 35 euros, c'est vu. Pour 35 euros, monsieur Renversement, c'est vu. Ah, voyons un petit coup d'œil vite fait sur le site pour surveiller le message. Ça t'excite. Je regarde. Et non, on ne peut pas nous écouter et écrire en même temps. Attention les amis. Attention, je vous le dis. Ballon négocié petitement par l'équipe de France. C'est une touche dont elle bénéficiera du lancer. Vous me refoutez toute cette phrase, Jacques, dans le bon sens. Et tout de suite, je vous retrouve. Oui, il y a du changement ou quoi là? Ah oui, il y a Fion. Ça, Fion. Fion qui est entré du côté. Fion aussi. Décidément. L'équipe de France. Plutôt, oui. Elle est basée sur les arrières. Ballon récup par le France, me semble-t-il. Hein. Monsieur Renversement n'insistant pas, on peut considérer qu'effectivement c'était le cas, mais il juge que les Écossais ont écroulé le mol. Et donne une pénalité à l'équipe de France. C'est à vous. Allez-y. C'est à vous. Oh! Choquant. On comprend rien à ce que tu dis. On comprend rien. Oh! Ça va! Chacun. Dix minutes sur tous les. Excusez-nous. Nous avons voulu vous proposer un ton original. Mais d'autant que la pénalité a été ratée côté français. Je pense que ça ne l'a pas aidé quand même. Cache les biscuits. Oui, cache Willy. C'est plutôt ce qui me vient à l'esprit. Ah, maintenant la France quand même qui galope en tête à cette partie. Après un tapé dans la tête là. Ah, ouais. 24-14, il est bon son petit truc. Hein. Alors là, attention, le sorti France. Oui, avec Michel Blanc. Sardou. Ah, Michel Sardou. Michel donc, Sardou, oui. Alors que la climatisation, c'est. C'est mis en marche. Allez, avec. Oh oui, une superbe figure, magnifique. Double axel sur la tête de la part d'un centre français. Et la sortie tricolore. Il s'est isolé, bien sûr, il tombe sur qui? Sur John McRive. Dont personne ne loupe la tête. Allez, la France. France. Attaque. Gaz attaque. Tombe, passe, grosse passe. Vraiment croqué. Oh là, c'est un peu n'importe quoi sur la pelouse. Oui, récupération du ballon par les Écossais qui peuvent contre-attaquer. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Allez-y au bout. Oh, dommage, pourquoi tu l'as pas donné? Oui, mais ils sont trop offensifs du coup. Ah oui. Trop ambitieux là. Vous avez un petit coup à faire, bon bah écoutez, on s'est relancé un petit peu dans le commentaire de l'action et puis là on va repartir de là où nous venions hein, parce qu'on y était quand même super bien. Ça pousse en tout cas côté Stade de France, le public est envié. C'est vrai qu'il je trouve un petit peu virulent le public en ce moment. Attention avec ce bon petit crochet sur la droite, il échappe au défenseur, mais pas au second, il finira en touche malgré tout. À moins que ce ballon soit récupéré, un ballon vivant. Merdard, oh yes, goal. Merdard, goal par un Français, goal par un Français, c'est très beau, c'est très magnifique, c'est énormissime, c'est... C'était prodigieux. Eh bien... L'équipe de France nous fait plaisir alors que cette action partait de rien du tout, c'est-à-dire un ballon un peu fou, complètement paumé. Je ne sais qui eut cette inspiration folle de revenir des là-bas. Des merdards, moi je pense. Et ensuite, c'est magnifiquement fait. Bien joué de la part de tous. C'est goal, c'est goal, c'est goal. Pour la France. Vous passerez tous au buffet, tous. Merci Marie-Georges. Et on voit tout ça tranquillement au ralenti. Merci Jean-Louis. Ah ouais, c'est Maxime. C'est Max Sapeller. Vous l'avez dit, c'est des merdards. Merde, des merdards. Et tout le monde a fait le bon pass avec Poitrine de Beau qui donne à la mitrouille. Et la mitrouille qui marque le go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. Il semble sceller cette équipe de France vers une victoire incontournable, semble-t-il. Ah oui, maintenant nous sommes passés quand même de 30 et de 27 à 31. Je lui retiens un frappe, je vais pas 31 à 14. Ah, me semble-t-il. C'est limite mal pour les pauvres Écossais qui n'en mettent pas tant. Ils sont vaillants sur ce coup-là aujourd'hui. Samedi 5 février, 31 à 14, France-Écosse, tournoi destination, Sportaz 707. C'est bien dit, ça. 69 minutes de jeu, 69, 40, 41, 42, 43. Nous allons rentrer dans les 10 dernières de cette confrontation. Premier match du tournoi. Et la France est déjà là. Pourquoi pas ? Quelqu'un ! Ta gueule ! Ah, à un moment donné, merde ! Sorry, ça devient. C'est pas toi ! Jean-Louis. C'est ça qu'on dit, c'est dire que c'est inverse. Oh là là, il prend la tête, oh là là, comment il prend la tête. Là, il prend vraiment la tête, merci. Il pourrait voir clair. Ouais. Mais attention, c'est... Touché. Complètement déchiré par les Écossais qui ont pris la contre-attaque dans la tronche. Ah, c'est possible, bien vu Jackie. Eh oui. Et ça, on voit, oh là ça, on là voit là le bois à côté oh, François. Boucherie, François. Chose. Ouais, François Boucherie. 15 rue de la République. Ouvert de 8h à midi et de 14h à 18h. Eh, il te fait des steaks à chier, mais pas cher. D'où leur nom. Eh oui. Oh, on fait entrer John Peter. John Peter qui s'est marié, qui se marie ce soir. Et qui vient profiter des derniers instants de célibat avec les amis et il va ramasser de tous les côtés car même ses copains vont lui en donner. Un Français qui va rentrer aussi. Oui, oui, alors là, c'est le cocktail. Hein, là, on rentre, on sort. C'est le... J'aimerais voir les tickets d'entrée de tout le monde là parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu le bordel sur la pelouse. Merci. Ah, oh, j'étais en train de me chahuter tout seul là et vous m'avez, interrompu. Ça danse, ça flore. Ça fleurit, il fait beau aujourd'hui. Ah ouais, hein. Yes, it is. C'est marrant, hein. On commence, on recommence et d'un seul coup le soleil apparaît, la chaleur revient. Profitez, profitons. Oui, ça marche pas tous les coups, ça c'est sûr. Ah, le profit, c'est important, hein, dans la réalisation du bonheur de chaque individu. Mêlez pour les Écossais pendant que Jacques vous tient un balai. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Alors ça, demandez à Jacques, bien sûr. Grand Jacques soupçonne Jean-Louis d'être payé par des marques de télé extra large parce que visiblement Jean-Louis tu filmes de trop loin. C'est Ounas qui en premier allégeance pour cette raison. Ouais. Attention Jean-Louis, il y a des jeunes qui nous envoient des CV. Eh oui. Merci Grand Jacques de dénoncer ainsi Jean-Louis. La délation fait partie bien évidemment du comportement du supporter de Sportaz. Et n'oublions pas, Sportaz, tout le monde en a rêvé, mais personne ne l'a refait. Oui, oui, sans forfanterie, hein, cela dit, sans forfanterie aucune. Nous n'en avons pas les moyens. Doucement, les gars, ils le sentent. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou, ça. Dès qu'on rentre dans les 10 dernières minutes, ils arrivent tous, les sons, essayent de pénétrer dans l'émission. Avec une montée Taylor française. Taylor McDougall, Junior. Oui, c'est ce que je vous disais, mais à tout de suite. Et attaque française avec, oh là là, Sangali qui a perdu le ballon. Et maintenant, c'est Patrick Estève. Patrick Estève. Pas mal. Ah. alors il joue tout seul, le petit coffre, mais c'est un peu fort. Hein. C'est un peu n'importe quoi. Jean-Louis, il s'est passé quelque chose. Va au contact, Jean-Louis. Poitrine de nos. Est-ce qu'on peut avoir la conversation entre les deux arbitres, Jean-Louis, s'il te plaît, c'est maintenant, non? Please. Ah, rien du tout, ce sera une simple petite mêlée au bénéfice, me semble-t-il, des tricolores. Allez, please, allez. Please again. Ouais, eh bien, on est pas mal, là. On est pas mal, petit sportage reprise, car je vous le rappelle, nous n'étions pas là la dernière fois. Ouais. Pas plus que nous serons là la prochaine. Donc on a fait rentrer Ford dans le hall 16. Ouais. On a fait rentrer le poussant, Jacques, hein, parce qu'on ne peut pas le démarrer, bien évidemment, dans l'enceinte du stade, ouais, alors que le notaire rentre. Et juste avant, on a aperçu André Agassi. Hein. Il était assez agacé, d'ailleurs. Ouais, est-ce que ce soit Brad Pitt? Effectivement, j'ai omis de surveiller ce personnage. Alors, entrée, sortie, clairvoyant qui remplace donc Desmerdard. Et la France toujours bien en avant, bien dans ses bottes. C'est quoi le score, c'est quoi? Ça nous fait 31-14. 17 points, 2 essais transformés, un drop. Ça commence à, quand même à devenir difficile large, pour les Écossais. Ouais, mais sait-on jamais, un écroulement total de la formation française dans les 5 dernières minutes. Qui sas? Un open under français, inhabituel certes, mais peut-être efficace. Saravoni 1, Saravoni 2 et Saravoni 3. Oui, l'arbitre n'intervient pas, il a bien raison. Je salue la performance de monsieur renversement dont on attendait quand même bien évidemment. Qu'est-ce que c'est que cette voix? Oui, faites là, je suis télépof. vous regardez télépof. Allez, coup franc. Drôle de nom. Nos amis écossais. Ça se retient bien. Et un petit coup de doigt de Jacques là pour remettre l'écran en marche. Et c'est parti, les Écossais qui se dégagent, qui reviennent dans le camp français, qui vont bénéficier de la touche et qui vont aller marquer un dernier petit essai pour nous enflammer. Fort possible. Oui, c'est ce que j'ai dit. On va ça gentiment au ralenti. Jean-Louis, il y a des ralentis que tu ne payes pas. Et pourquoi? C'est ce que j'aimerais bien savoir, effectivement, moi aussi. Pourquoi tu ne payes pas ces ralentis, Jean-Louis? Ouh, touche écossaise ultra fort rapide. Vive. Oui. Ultra rapide. Ok, on s'emballe, on s'enfonce. Jean-Louis, t'es trop loin, film. Auprès, Jean-Louis, auprès, toujours. Oui, les Écossais, dans le petit côté. Jean-Louis, le bonheur est dans le pré. Sur la caméra 16. Voilà, comme ça. Sois prêt. Ah, mais là, Jean-Louis, là, oui, effectivement, je comprends. Hein, on essaie de nous fourguer les écrans 16-9e à tout bout de champ pour pouvoir, bien évidemment, voir correctement. Magnifique Araikoshi, maintenant, oui, du défenseur français. C'est Mac dedans. Vas-y, il mérite. Scotland Goal. Oh, c'est la belle nuit de Noël. Ah, excusez-moi. Ouais, belle petite combinaison. Nous vous avions prévenu. Vous le saviez, donc ne soyez pas étonnés. Et c'est écossais. Et les congratulations que l'on voyait tout à l'heure du côté staff français vont se transformer en léger frisson, oui, en nouveau. Fébrilité. Et c'est le sport, la loi du sport quand il est sport. J'aime beaucoup cette formule et je la conserverai. Ouf. On peut se regrouper derrière les poteaux, bien évidemment. On vient d'en prendre 7 dans la musette. 7 dans la musette. Sportaz 707. Ce score fait recette. Sucette. Bravo. On voit cette belle action et collective et individuelle. Il ne faut pas s'empêcher de le dire. Ce raffut, tu as vu ce raffut terrible. Je ne sais pas qui s'est fait prendre comme ça. Au placage, mais tout de même, attention, en défense, on en prend beaucoup, c'est le troisième essai hein, qu'on prend de la part des Écossais. 10 points d'écart, oui, mais somme toute pour le spectacle, ça nous envie. Ça bien nous évidemment, il reste moins de 5 minutes, mais en moins de 5 minutes, on peut en prendre 60 points. Rappelez-vous, remember, avec ce ballon mal négocié par les Écossais, dommage. Et du coup, ils sont en défense, là, hold, attention les mecs, ça pourrait mal tourner. Ça pourrait mal tourner, mais pour l'instant, ils conservent la balle. Ils sont joueurs, ils sont vifs, ils sont entreprenants. Ah, vous aussi, investissez donc en Écosse, Édimbourg, une ville dynamique qui vous accueillera au rythme de ces magnifiques récupérations françaises. A bisous. Allez, bisous. A bisous. A bisous. A bisous. A bisous. A bisous. A bisous. A bisous. A bisous. A bisous. Ouais. Ne joue pas. C'est pas comme ça, j'ai envie d'une bière. Ouais. Ça m'étonne pas, je te connais. Il y a du champagne et une bière, quel con. Et de leur faire plaisir comme ça. Oui, alors le ballon est sorti, la France va gagner. Hein, la France va gagner maintenant, vous pouvez vous relâcher totalement. Enfin, pas tout quand même, hein, ne relâchez pas tout. Essayez de conserver un peu l'intérieur, c'est ça, attention. Vous entendez quelque chose? Plus rien. Plus rien. Il faut y penser. Ça ne fait que ça, madame. Voilà. Merci d'être passé, docteur. On se retrouve tout à l'heure. Et sortie de balle par la France qui va vouloir, bien évidemment, inscrire le dernier essai du match. Démontrer que c'est elle qui avait... Doucement les enfants, c'est pas fini. Vas-y. C'est pas fini encore. Notez. Attendez un peu. Les pénalités, signalées par monsieur, renversement pour la France. Pour la dernière minute, que vont-ils faire? Tenter les trois points? Ce serait... Non. Ah non. C'est pas sûr. Si, hein. Si, ils le font. Oh là là, ils prennent les trois points. Oh non. Ouais, c'est pas magnifique c'est pas au Stade de France. Quand même, je veux dire, avec 10 points d'écart, alors qu'il reste une minute à jouer. Mais bon, on plaît les blessures australiennes. Pour un résultat impeccable. Jacques, pour un résultat impeccable, a dit la dame, je n'en suis pas sûr. Je ne connais pas cette dame et je ne vois pas pourquoi elle pénètre dans cette émission sans dire bonjour. Après la crise, la reprise. Ouais. Il ne faut pas s'emper de l'être, là. Il ne faut vraiment pas s'emper de l'être avec Dimitraï. Ah. Ouais. Cash Willy. Dimitraï, Cash Willy. Cash Lash. Fash Willy. Eh oui, cette fois-ci, il l'a mis magnifiquement. 3 points de plus pour l'équipe de France qui se met définitivement. Oui. C'était Jackie en direct donc du Hammam. À vous, Michel Alliomari. Bravo, quelle sortie, Jackie. Il y a des professionnels et puis il y a les autres. Bravo, Jackie. Il est parti, non, il est vraiment parti. Il ne reviendra pas. Ah ou percé écossais. Les Écossais reviennent, ils reviennent à tir larigot. Ils ont le mental pour, manifestement. Espérons que le physique suivra. Jean-Pierre Rive, là, Mac Rive, nous a ravi. Ah, tout à fait, il continuera, je l'espère, dans ce tournoi. Non. Merci, Jacques. Ben non, négocié tranquillement par les Écossais tandis que l'horloge, Français l'horloge co, a défilé et qu'il en est terminé maintenant de cette confrontation. 34-21. Ouais, tout va bien. On se retrouve dimanche. Tournoi. Silence. Ce sera pas. Quoi? Français co. Non. Et c'est quoi? C'est fini. Là. Au revoir. Voilà. Monsieur mon fils. Monsieur. Mademoiselle, tiens. Arrêtez, je suis obligé de revenir pour finir correctement cette part. Vous n'êtes pas le bienvenu, Jackie. Vous n'êtes pas le bienvenu. C'était Sport à 707. 4 points seulement. Ça m'a été mis. Ah non, il y a eu 31. Plus que ça, peut-être même 34 et quelques. 21, 34. Merci Jean-Louis. 34-21. Vous pourriez le remplacer par un tout aussi robuste. Sportage 707 va s'achever dans quelques instants. On se retrouve alors ou samedi ou dimanche pour la suite de ce tournoi des 6 nations. Et l'affiche, c'est. Alors là. Parce qu'il y a c'est une affiche. Si oui, on va la trouver, l'affiche, dans quelques secondes. Là, ça l'affiche mal. Ça l'affiche. Ce sera donc le. Bientôt. Oui, samedi ou dimanche? Dimanche 13 février. Ah voilà. Ce sera à 16h en Irlande, l'équipe de France au Aviva Stadium. Contre qui? L'Irlande. Quoi? Hein? Oh! À quelle heure? Dès l'Irlande, France, donc Sport à 708, à ne pas manquer. Interview, Jackie. Oui, alors, on vous a vu sur la pelouse courir. Est-ce que vous êtes conscient que vous faites un peu n'importe quoi sur une pelouse comme ça, que c'est un jardin privé? Alors, moi j'ai le permis rugby, attends, alors je me suis fait mal de l'avoir, ce putain de permis rugby. rugby, bon, ok, on nous rajoute des règles un peu nouvelles toute l'année. D'ailleurs, je comprends pas que le rugby soit aussi compliqué alors que le handball, c'est tellement plus simple, c'est tellement mieux. Ouais, attention. Alors, vous voulez venir, mais comment vous... Ah, arrêtez. Alors, quand même. Alors, est-ce que vous trouvez qu'on vous met pas trop de claques quand même dans la gueule? Bah, ouais, je vous dis, moi, le rugby, je l'ai choisi, j'ai passé le permis, j'ai le droit de l'utiliser, j'ai pas fait l'erreur. Non, je suis désolé. À la limite, si vous préférez, je peux quitter l'équipe de France, mais moi, je m'y sens bien, en tout cas, dans cette équipe. Ah, hein. Alors, c'est que je vous dis que j'ai une dysenterie. Ah ouais, bon, là, il faut éviter le médiator, hein, parce que celui-là, putain, ça fait mal, hein. Je sais pas ce qu'il en passe au laboratoire Fabre, mais moi, je serais lui, quoi. Il dit, je me poserai des questions sur l'industrie pharmaceutique. Enfin, bon, c'est une autre question, hein. C'est vrai que la politique de la rugby, c'est pas facile. Bon, moi, j'ai essayé la NPA, ouais. J'ai essayé les Verts, ouais. J'ai essayé DSK et sa femme. Merci, mais il faut que j'y aille, moi aussi, voilà. France a gagné. René, y a quelqu'un aux chiottes? Eh bien, nous allons vous laisser. Interview, Jackie. Alors, combien de fois vous avez joué, vous, à ce niveau-là? Je veux dire, c'était un match bizarre, quand même. Un coup, vous marquez, un coup, vous prenez, et à la fin, comment ça marche? J'ai pas compris ce match. J'ai pas compris du tout, parce qu'au début, on a été, et puis après, l'autre, il a... Et puis, enfin, je sais pas du tout ce qui s'est passé, parce que j'étais pas complètement dans le match. J'ai la tête ailleurs en ce moment, je suis malade, je suis pas bien du tout. Je suis pas bien du tout, je prends des médicaments. Et donc, du coup, j'ai pas vu passer le match. On m'a dit qu'on avait marqué des essais, qu'on avait couru après le ballon, mais je sais pas du tout, je suis fatigué, je suis terriblement fatigué en ce moment. Je prends des médicaments avec les amis. Alors, comment ça se fait là? Vous avez bouffé des médicaments, quoi, qui n'étaient pas bons, les effets secondaires, on n'est pas sûr de ces médicaments, vous êtes au courant de tous ces problèmes? Vous suivez l'actualité? Le docteur, il a dit que c'était bon, alors je prends les médicaments parce que comme ça, ça me permet d'encaisser les coups dans la gueule. Ça me permet aussi de ne pas commencer. Et je suis très bien avec les médicaments, j'aime beaucoup le docteur, j'aime beaucoup la clinique où je suis, j'aime beaucoup le travail des infirmiers, je suis très bien, je me sens très à l'aise, mais des fois, j'aimerais bien manger un bon steak. Un bon steak avec de la sauce poivre, ça me éclaterait, mais là j'ai droit qu'à la gélule. Et le vin rouge alors, vous y pensez peut-être comme substitut? Peut-être un bon médoc 54, je vous le conseille. Oui, mais ça, on n'a pas le droit de faire un vin dans la clinique. Alors le docteur, il nous donne des piqûres, des fois des piqûres de pastis. Mais ça, faut pas le dire, parce que sinon, il se fait dénoncer, hein, il refermera la clinique, et puis moi, je pourrais pas. Mais venez ici, docteur, venez ici, docteur. Il est là, le docteur, le voilà. Bonjour, je m'appelle le docteur Marsh. Alors docteur, il paraît que vous administrez quand même quelques petits expédients à vos patients, hein, pour qu'ils se tiennent plus tranquilles pendant les matchs de rugby, sinon ce serait un petit peu n'importe quoi, c'est ça docteur? Est-ce que vous confirmez que vous les défoncez complètement? Alors non, pas tout à fait ça, certes j'ai des remèdes de cheval, mais c'est pas des vétérinaires, c'est très bien. Doucement derrière le piano Jean-Louis. Alors non, vous comprenez, j'ai quand même moi aussi mon diplôme de rugby. On est en règle, on a les papiers, on est d'ailleurs contrôlé, on est contrôlé comme des vaches à lait, je pourrais dire même. Alors, bien sûr, il y a peut-être du dopage, mais. C'est sur cette musique douce et bien menée que nous allons nous quitter. Oui, il faut s'en aller maintenant, docteur, allez, oui, ouais, docteur, je suis complètement fou. Eh bien, le docteur ayant rappelé tout le monde. On s'en va, nous aussi. Alors, c'était sympa d'être sur le service public. On essaiera d'être encore plus fort dès qu'on sera dans l'actualité. Mais pour l'instant, c'est pas encore gagné. Bien sûr, vous pouvez déposer vos plaintes. Vous pouvez du greffier de justice pour demander à ce que le service public fasse son boulot, c'est-à-dire du sport dans la diversité. Au revoir. Et vive le hand, on vous la sert. Bon, j'espère qu'il n'y a personne là-bas. Hein.